Je le vois. Bonsoir, Jeannot. Papa est allé casser caché où? Il arrive. Ok, on va bientôt commencer. Prenez les Bibles. Alors, dites-moi, la semaine dernière, pour ceux qui avaient été là, vous avez prié. Il veut que chaque personne me raconte son expérience à la maison. C'est comment? Ça c'est clair que ça va plus que là. C'est comment? Ça veut dire que quand on priait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand vous êtes rendu, vous avez prié, c'était comment? Vous ne voulez pas qu'on prie? On va prier. Vous avez faim? Et vous m'avez dit si ça ne priez pas, ouais. Parce que c'est pour pas chercher les gens qui ont le couloir pour venir ici, venez même mes soutenir ici. Ce qui s'est passé, frère? Oui. Lorsque nous sommes rentrés ce jour, après la prière, oui. Le lendemain, oui. Comme, enfin, on fait des mal. Il y a un qui venait de la porte de la chambre. Oui. L'autre venait du côté de. Toi, c'est pas. Un voisin venait du côté de la porte. Oui. Il s'enfuit. Oui. De tous les côtés. Mais il y a pas de problème. Oui. Mais c'est pas nous l'ont pas mordu. Oui. Tu te connais. Tu savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que quelque chose n'allait pas. Donc, le but que le Seigneur veut qu'on fasse maintenant, c'est pour en découdre avec les petites forces spirituelles qui dérangent notre famille et nous-mêmes. Vous êtes d'accord, comment vous faites comme ça? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? On boit la bouille là-bas, on se salue, on rentre. Comment vous voyez comme ça, comme les statuettes? Il dit que le but, c'est que le Seigneur, vous êtes d'accord? Amen. Tu te lèves quoi? Tu veux se la parole? Non, c'est pas ça. Tu veux quoi alors? Donc, en parlant de ces femmes, dès qu'on sent le nouvel, ces femmes dans la chambre. Ça t'est poursuivi, hein? Tu n'as pas poursuivi. Tu as l'air comment? J'étais en train de passer, j'ai vu le serpent, une femme qui vient chasser. Et cette fois-ci, j'ai tué. Mais, vous avez quelle a été votre expérience? Vous voyez l'assemblée? Oui. Bon, il y a deux têtes brûlées là-bas qui n'aiment pas parler. Elle va là-bas. Salut, allez, les gens. Salut, les frères. Bonsoir. Dans la paix du Seigneur. Amen. Salut. Voilà. Vous voici. Voilà. Mais quand on va boire la bouillie, on ne pourra rien faire pour vous. Hein. Tu vas m'aller par téléphone. On a votre bouillie. Tu sais que la bouillie circule très vite par SMS. Ok, bouillie, on a pas bouillie par SMS. Mm-hmm. On vous envoie bouillie par SMS alors. vous allez mettre la ronde magie là. Oui. Bon, préparez-vous. Mais je suis désolé que la soeur si n'est pas sa vidéo parce qu'il aurait souhaité étendre la main chez toi pour prier en te voyant. Elle ne me voit pas. Il dit qu'on ne te voit pas parce que tu es supportable, c'est ça le problème. Attends. Oui. Je crois que je ne sais pas qui est-ce qu'on peut rajouter là. On m'a voyé. Attends, tu vois, je vais voir. Ben voilà, on te voit maintenant. Dis à l'encore bonsoir maintenant à la Saint-Mesmine. Bonsoir. Vous voyez, non? Bonsoir. Aïda, vous voyez celle qui est en Belgique? Non. Mais vous. Ça n'a pas été agité. On appelle de Belgique. Regardez, vous voyez quelqu'un. Saint-Mesmine, salut, maman, Aïda. Je la vois, je vois la soeur, je la vois. Voilà. Et moi, je ne te vois pas. Tu es de quel côté? Je suis en Belgique, je suis à Liège. Non, pas comme ça. Liège, je te vois pas. Sur l'écran. Ah, je ne vois pas. Alors, voilà. Tu me vois maintenant? Non. Ouais, je ne sais pas. Pourtant, je te vois très bien. C'est très bien. C'est toi, tu me vois, mais moi, je ne te vois pas. Grâce, bonsoir. Grâce n'est pas encore là. Ah, ok. Il y a Martine, Judith, Henriette. Oui. Juste Victoire. Bon, l'autre sœur là aussi. Tu la vois, ma sœur? Bon, prenez votre Bible. Quelqu'un voulait parler ici? Oui. Oui, le partage, votre expérience. Je suis en train de vous la dire, vous vous préparez. Vous êtes où? Vous me suivez, quand il parle, vous me suivez ici. C'est un peu voilà. On est tellement. Le christianisme a pris un certain essor où le train. On vit la vie comme ça se doit. On vit. Le niveau où le Seigneur veut nous toucher, c'est que vous vous asseyez quelque part, si quelqu'un est sorcier, il te se lève, il part. C'est le niveau 6, c'est-à-dire que c'est comme si tu craquais la nuit, tu mettais sur toi comme ça pour que tu sois le feu. Si tu dors, quelqu'un vient dans la nuit, fait une autre, tu entends, waouh! C'est ce niveau-là. D'accord. Donc si vous-même vous êtes sorcier, vous allez crier. C'est ça, non? Donc ça veut dire que. Quoi? Ok. Ça veut dire que s'il arrive que autour de vous, là où vous dormez, il y a des sorciers, les prières qu'on va faire maintenant, ça va affecter et dans votre famille. Parce que quand vous dormez, quelqu'un par exemple, ton frère va chez le marabout avec ton nom, avec le nom de la famille, tu es impliqué là-dedans. Donc c'est, il faut que l'État enseigne que si quelqu'un est allé chez le marabout ou chez le sorcier avec ton nom, on a oublié, on dresse que d'exemple, on cherche les gens qui vont donner son nom et mentionner quelque part. Si quelqu'un prononce ton nom, il confie. C'est ça donc une question maintenant. D'accord. On a mis passé à la vie supérieure. Vous allez charger. Chacun monte son âme. On dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, non? Et la parole de Dieu, c'est que c'est ce que Dieu a dit, parce qu'un homme a dit. Donc on ne peut pas voir un sorcier dire que tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Celui qui a moins de temps, c'est que après tu rentres dans la maison comme ça, là, tu entends le pied faire deux mois, et bref, peut-être le sorcier m'a envoyé quelque chose. Tu envoies le feu sur ton pied, alors qu'il n'y a même pas de douleur sur ton pied, que le douleur n'est même pas causé par le sorcier. Ce qu'il faut, c'est quand vous prononcez, il est écrit contre un esprit, même si volatile n'est pas, en tout cas, vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Quand tu prononces, quand ceci, il est écrit, même s'il monte, il descend, il tourne comme il va tourner haut. Il va respecter, il est écrit. Parce que Dieu n'a pas dit qu'on soutient, on défend notre cause avec notre parole. Il a dit que prenez l'appui, prenez par-dessus l'épée de l'esprit, la parole de Dieu avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est ce qu'il a dit, non? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, pas notre parole. Donc ça sert à rien de gagner de sorcier. Tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? La nuit, tu veux dire, je voulais même pas. Il dit, Jésus, ok, je suis sauvé. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Je veux qu'on nous veille, on vote dans une dimension où que vous dormez, que vous marchez, votre esprit est dans la prière. Vous me suivez? Votre esprit doit être dans la prière. C'est-à-dire que tu dormes. On veut te sélectionner ici. Maman grâce et la sœur, mais on veut te saluer. C'est parce que tu leur as fait. Bonsoir. Ça va très bien, merci. Ton mari à la technique, à la mise, ton mari à la mise en ordre. Assieds-toi là-bas. Non, laisse le rideau, il va faire. Assieds-toi pour toi. Donc, qu'on dorme, qu'on ne dorme pas, qu'on soit en prière. D'accord? Maintenant. Ce que les chrétiens font, c'est que si on entend qu'il y a un truc, boum, les sorciers font des réunions. Remarquez bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses, des gens qui m'amusent. J'ai entendu à la radio en février, on a dit que les francs-maçons devaient faire une réunion régionale quelque part comme ça. Là. Les pentecôtistes sont levés. On prie, Seigneur, disperse les réunions. Disperse les réunions. Ça, c'est le volet qu'on vous a annoncé à la radio, ils devaient faire la réunion. Ce qu'ils font dans les ténèbres, vous savez. Quand ils font des réunions dans les ténèbres, sans vous annoncer, vous savez. Le chrétien moderne est devenu plus charnel que les gens de la chair. De telle enseigne qu'on ne contrôle pas les situations de la chair. C'est-à-dire que si on entend que les gens meurent dans la famille, à ma famille, dès le moment de jeûne est arrivé, je chasse l'esprit des morts dans ma vie au nom de Jésus. Je chasse l'esprit des morts parce qu'il a constaté que les gens allaient mourir. Mais lorsque cet esprit-là faisait le plan dans les ténèbres, il n'était pas au courant. Pourtant, la Bible déclare que le Seigneur ne fait rien sur la terre sans avoir averti à ses serviteurs. Donc les choses vont, on doit être en état d'alerte. Et par conséquent, pour qu'on soit comme ça, il faut qu'on soit dans la prière. C'est-à-dire que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, qui dit prier sans cesse. Comment tu vas prier sans cesse chaque fois que tu as de manger seulement? Il faut entraîner son esprit à prier. Le moment où on va parler de cela, comment les apôtres priaient. On va aller dans la Bible avec ça, vous allez voir que waouh, on est parlé de prier. D'accord? Donc il faut s'entraîner à la prière. Quand on va commencer un jour, je vous avais prévenu, j'ai dit que bientôt on va commencer à prier, vous priez 15 minutes, vous êtes fatigué. Préparez-vous, j'avais dit ça, pas vrai? Le moment est arrivé. Le moment est arrivé, donc on va prier. Et ce style de prière, c'est le style de prière où quelqu'un vous touche, il confirme. Quelqu'un appelle votre nom, il confirme. D'accord? Donc, vous commencez à prier maintenant, les gens que vous pensez que c'était votre ami, que ce sont vos amis commencent à vous détester. Les voisins commencent à vous détester. Vous allez quelque part, on ne vous voit pas. Parce qu'on vous regarde comme ça, on dit qu'on n'est pas bon, on n'est pas bien à vivre. Alors vous avez seulement regardé quelqu'un. D'accord? Amen. On est d'accord? Amen. Si vous ne voulez pas la joie, vous sortez. Si vous, de l'autre côté, vous éteignez votre net, vous dites que vous ne voulez pas laisser les prières là. Parce que si vous ne faites pas comme ça, vous serez toujours endormi. Aux aguets des uns, commençons à prier. Si on dit qu'il y aura Christ connu, nous on entend dans la radio qu'il y aura des relations françaises par les chrétiens en même temps. Nous prions pour que ça ne s'en arrive pas. Nous prions pour que ça n'arrive pas. Mais depuis longtemps, on a annoncé que faire attention. J'ai dit il y a cela, il y a deux ou trois ans, que le moment arrivé que ceux qui ont gardé les allées en bas, faire attention, quelque chose ne l'arrive. Il a dit ça. C'est dans les enseignements. Il dit faire attention, ceux qui gardent l'argent dans la banque, le moment arrive. Et les écarts matériels, les deux, c'est comme moi qui ai une récession, tout a chuté. Les chrétiens vont commencer à jeûner. Mais pourtant, ils sont allés, ils ont été avertis. Mais pour le moins, ils ne voient rien. Ils ne voient pas que quelque chose est en train d'arriver. Il y a les à cette instance, un chrétien véritablement va demander ok, voici, j'ai de l'argent. Comment investir? Vous savez, allons-y dans le livre. Allons-y. Genèse. Genèse. Chapitre 26. Ils vont dire quelque chose. Vous savez, quand il parle, c'est compliqué. J'aime mieux m'exprimer avec la parole pour que vous compreniez ce qu'il veut dire. J'ai là, ne t'inquiète pas, j'ai là le mouchoir que vous connaissez, ma femme, d'accord? Le mouchoir, merci, mais c'est que Dieu te bénisse. C'est une grâce pour moi, grâce. Genèse chapitre 26, vous êtes avec moi, hein? Tout le monde, Genèse chapitre 26, je vais lire et expliquer ce que je me dis. À partir du verset 1, regardez. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Écoutez très attentivement. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, écoutez très attentivement, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Vous avez vu ça? Dieu, comme Dieu lui a dit quelque chose, il a une relation avec Dieu. Voici une famine qui a eu lieu. Isaac est resté tranquille, il est allé voir le roi. Dieu lui a apparu, il dit que ne descends pas en Égypte, ne va pas en Égypte comme tout le monde est allé en Égypte pour aller chercher la subsistance. Demeure dans le pays que je te dirai. Ça veut dire ceci, les difficultés peuvent être là pour tout le monde, mais lorsque Dieu apparaît sur nous, le soir du départ, il est écrit. Si Dieu a dit quelque chose, vous vous tenez à cela, malgré que les conflits sont autour, qu'il y a des difficultés tout autour. C'est parce que Dieu a dit concernant toi et lui. Pas vrai? Alors, maintenant, c'est la Bible qui nous donne le renseignement que Dieu a parlé à Isaac. Tous ceux qui n'ont pas lu la Bible durant cette époque, ou bien qui n'étaient même pas là, qui ne savaient même pas ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils vivaient comme situation? La famine. Ils étaient en plein dans la famine. Chacun se débattait seulement comment faire pour se sortir de cette situation. Mais Dieu ne les voyait-il pas? Mais il descend du ciel, il vient s'adresser à un homme que ne descend pas en Égypte. Pourtant, la famine, c'est pour tout le monde. Il dit à celui-ci, parce que celui-là est en alliance avec lui. Alors, c'est pas normal que nous qui sommes en alliance avec le sang parfait du Seigneur Jésus-Christ, les choses nous arrivent comme les mondains. C'est terrible, je refuse cela. Me suivez? Que les choses vous arrivent, ça vous surprend comme les mondains. Non. Vous devez être au courant. Même si vous devez subir, que Dieu vous fortifie. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 8, 28, lorsqu'on l'a amené à Rome, il était dans le bateau comme tout le monde avec les autres païens. L'ange est venu de la nuit lui dit qu'il ne perdra que ces cargos-ci là. Aucune personne ne perdra. En fait, l'ange lui a dit que on a donné la vie de ceux qui se trouvent sur ce bateau, c'est entre tes mains. Donc il doit vivre à cause de toi, un prisonnier. Si c'est nous les pentecôtistes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Que le Seigneur fait que quand ils entrent, ils se font pour qu'on dise marche. Comme ça, je me mets au large, je me libère d'eux. Mais c'est le prisonnier qui a dit que de qui ne sortez pas, vous n'allez pas mourir. Restez sur ce bateau-ci. Sortez ce qui est là-bas, jetez. Mangez maintenant de la nourriture. Ça a fait boum. Ils étaient dans la tempête. Et le païen et le chrétien dans la tempête. Mais le fait que Dieu ait parlé à celui-là dans la tempête, à ce toi là-bas, nous n'avons pas dit cela maintenant. J'espère que les téléphones sont fermés. J'espère que les téléphones sont fermés. Si jamais quelqu'un sort, vous descendez tranquillement, vous partez. Donc, le fait que le bateau a fait boum. Remarquez très bien que, et le chrétien, et ceux qui persécutent le chrétien, les mondains et les romains, c'est-à-dire que les païens et les chrétiens, étaient dans le même bateau. Mais les deux n'étaient pas dans le même bateau de la même façon. Parce que l'apôtre Paul savait exactement ce qui arrivait. Et il savait exactement ce qui devait lui arriver s'il arrivait, même qu'il mourait. Il savait qu'il irait au paradis, pas vrai? Mais ceux qui ne savaient pas ce qui arrivait étaient dans la tempête, se débattant avec l'esprit humain. Malgré que l'apôtre Paul lui a dit qu'il faut qu'on chute sur une île. L'apôtre Pascal lui a dit clairement que ça va tourner, là, vous allez chuter sur une île. Quand tu as chuté sur une île, c'est là où les gens ont cru maintenant que ça a chuté sur une île. Il leur avait dit, il vous avait dit, ne quittez pas ces bateaux-ci. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais à cause du fait que Dieu lui avait déjà dit que c'est à cause, c'est la vie humaine d'ici se trouve entre tes mains, Dieu, personne n'est mort là-dedans. Ouais, une fois de plus, comment? Quand les choses arrivent, les chrétiens sont protégés, ceux qui sont de Dieu sont protégés, même s'ils sont dans la tempête, n'est-ce pas? Donc, voici le premier cas. Ils sont comme ça, il y a la famine, mais Dieu l'a prévenu par rapport à quelque chose. Autrement dit, au milieu de la famine, le chrétien n'a pas le même style de famine que le non-chrétien. Au milieu de la contamination, de la maladie, le chrétien n'a pas le même que telle ou telle personne. Même un chrétien qui a le sida n'est pas le même sida que le non-chrétien. Même un chrétien qui a la tuberculose, même s'il a eu la tuberculose avant de devenir chrétien, lorsqu'il devient chrétien, sa tuberculose devient chrétien. Lorsque le chrétien devient chrétien, lorsqu'un être humain devient chrétien, même s'il a le sida, son sida se christianise. Ça veut dire que désormais, il est sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Par conséquent, il n'est plus sans espérance. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un en train de souffrir. Vous venez voir la personne, vous avez pitié. La personne dit que non, laisse. Le Seigneur est au contrôle. Non, je ne dis pas déjà la situation que les pentecôtistes disent quand ils disent que vous appelez rentrer une doute. Non. Quelqu'un dit, vous voyez la paix et l'assurance sur son visage. Parce que c'est ce que Dieu lui a dit à propos. Maintenant, prenant le cas d'Isaac ici dans Genèse chapitre 26, si les gens viennent nous regarder à la maison, il y a un investissement humain là-bas pour irriguer l'eau, pour que ça quitte le frère, pour passer le pays, pour pouvoir avoir de quoi manger. Il va rester tranquille, il va dire c'est parce que Dieu a dit que allez irriguer vous-même. On va lui dire que si la nourriture sort ici, on va voir ce qu'il va manger, pas vrai? Mais celui qui construit le temps ici constant, il a dit autre chose. On peut suivre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait par la suite. Alors, c'est dans ce Genèse chapitre 26, continuons. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez très attentivement, verset 3 de Genèse chapitre 26. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Donc il a obéi. Ah, il y a de quoi prêcher maintenant 3 semaines, je vous le dis. Et Isaac resta à Guérar. Obéi à la voix de Dieu, même si elle n'importe quelle circonstance. Obéi. Je souhaiterais parler de ce thème-là plus tard. Je veux que vous regardiez les circonstances. Et en réalité, c'est parce que vous et moi, nous sommes en train de lire la Bible comme ça pour avoir le renseignement et essayer de nous faire une image de la géographie de la situation. Mais la personne qui est en train de vivre la chose n'est pas en train de vivre ça de la même manière que nous. Parce qu'il est en plein dans la situation. Me suivez? Mais maintenant, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, séjourne-toi dans ce pays-ci. On dit qu'il y a une famine. Et quand la famine était là, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse. Mais Dieu lui dit, séjourne ici. Ne t'inquiète pas, dans ce pays-ci, il commence à parler de le futur. Il ne gère même pas la situation des famines qui est instantanée. Parce que là, il faut résoudre le problème de la famine instantanée. Mais Dieu a lui parler qu'il veut bénir ta postérité. Il veut donner ce pays à ta postérité. Vous me suivez? Oh, là, il veut sortir de la situation de la famine. Très souvent, nous regardons nos problèmes ponctuels. Dieu regarde au-delà de ces problèmes-là pour regarder là où il a été déporté au travers de ces problèmes-ci. Pour que tu passes, si la famine s'y passe et que Dieu te dit reste ici, il te nourrit. C'est la preuve que ce qu'il a fait comme promesse va accomplir plus tard. Donc, s'il y a n'importe quoi, tu vas tenir. C'est ce qu'il fait. Donc, le verset dit, et Isaac resta à Guérar. La Bible met point après Guérar. Vous avez remarqué? Et Isaac resta à Guérar. En fait, le point qu'il avait dit, selon l'ordre de l'Éternel. C'est ce que ça veut dire. Isaac resta à Guérar selon l'ordre de l'Éternel. Mais regardez bien. Pourquoi Dieu n'envoie pas la nourriture ici pour Isaac? Pourquoi Dieu ne le fait pas quitter ici pour aller le mettre dans un pays où il y a le truc pour Élie? Parce que Dieu ne fonctionne pas de façon monotone. Pour le cas d'Élie, le prophète Élie, quand il y a la famille sur la terre pendant 3 ans et demi, il a dit descends à Sarepta parce que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il n'a pas dit reste dans ce pays-ci. Pour celui-ci, il a dit reste dans ce pays, c'est au milieu de la famine, je vais te nourrir. Donc Dieu n'a pas une seule solution pour les mêmes problèmes. Non. Donc pour la famille, il peut te dire que va de ce côté-ci, il te dirige. Mais la chose est, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu dans toute situation. Quand les hommes vont aller à gauche, si Dieu a dit que c'est à droite, va à droite, tu auras raison. Si Dieu a dit que reste tranquille. Mais voici donc le problème maintenant. Qui ici a le problème? Si vous avez le problème, levez la main. Tout le monde a des problèmes. Ah non, ceux de l'IA n'ont pas de problème. Ceux de la Belgique n'ont pas de problème. Vous avez des problèmes, vous. Donc vous aussi, vous avez des problèmes, hein. Oui. Mais même dans le pays des blancs, même dans le pays des blancs, il y a des problèmes. Ah oui, beaucoup même. Beaucoup, hein. C'est même vous qui pouvez vous l'envoyer ici, là. Alors, ce que ça veut dire, c'est que s'il y a une situation, si Dieu parle, même si vous voyez la situation, c'est Dieu qui parle, qui doit être prise en considération. Le premier volet nous dit clairement qu'il y a une famille du temps d'Isaac, outre la famine qui eut lieu sur Abraham. Alors Abraham, quoi, il est allé voir le roi de Mélène, le roi de Guéla, des Philistins. Dieu lui dit que séjourne dans ce pays, c'est quand je te nuise à ton pays, à ta postérité pour toujours. Il séjourna dans le pays comme Dieu lui a dit. Pas vrai? Continuons seulement. Regardez. On va aller au verset 12. Regarde. On y va. Verset 12. Normalement, je vais lire normalement. Je devais lire verset 1. Puis je vais au verset 12. Parce que la suite, c'est au verset 12. Tout ce qu'on va faire ici, là, maintenant, c'est. On raconte des fois l'histoire que le frère Junior a rencontré la soeur grâce. Ils ont fait le romantisme. C'est ça qu'on raconte en bas là-bas. D'accord? Quand ils étaient à la difficulté. C'est ça. Quand je peux vous prêcher la Bible en déposant la Bible parce que c'est que ceux-là ont vécu. Parce qu'il y a vécu. Parce que quelqu'un qui a une femme se trouve dans un pays étranger, dans une terre étrangère, passe par les difficultés. Dieu lui dit quelque chose. Dieu lui dit quelque chose. Il jouait là-bas, il jouait. Parce qu'à un moment donné, il dit coucou. Merci. Un instant, coucou le monde. Verset 12. Écoutez. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Regardez bien. Car l'Éternel le bénit. Vous avez vu ça, hein? Donc, il sait somme un manguier. Combien de manguiers sort? 100. Non. Au total, il y aura combien? 101 manguiers. Il prend les 101. Il sème encore. Combien sort? Vraiment, hein? Centuple, ça veut dire qu'on multiplie par 100. C'est ça. On n'a pas dit qu'on ajoute 100. Quand on dit centuple, c'est le facteur de multiplication, pas d'addition. Voilà, 10 000. 2004, mon cher. Voilà. Alors, lève-toi, va-t-il comprimer. Tu as dit le comprimer, l'homme est femme, c'est comme Marie, sa femme là-bas. Assieds-toi là-bas. La femme de quelqu'un vit avec son mari, tu laisses la femme s'asseoir, tu t'assois à côté de lui, ça se tue avec le temps. Ok, on continue. Alors, je vais doucement, je reviens pas dire, c'est pour que vous preniez la chose au sérieux avant qu'on avance, ou bien que vous saisissez bien avant qu'on avance. Ce que je veux dire, c'est ceci. Quand il y a difficulté, un, il faut regarder à ce que Dieu a dit et non la difficulté. C'est pour ça que vous allez voir effectivement quelqu'un, quand les gens, quelqu'un a un mal de bas-ventre, il se lève. Il dit que mon mal de bas-ventre, toute la prière va tourner autour du mal de bas-ventre. Quand le mal de bas-ventre finit, est-ce qu'il a encore le temps pour prier? Non. Quand c'est la tête maintenant, aïe, ma tête, j'envoie le feu sur ma tête. Alors que la tête a de feu, mais il va encore brûler toute la tête. Et il y a un problème. Il faut qu'on soit dans l'atmosphère de prière, c'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il neige, que vous dormez, que vous veillez. Que vous êtes fatigué, vous êtes couché, que votre esprit soit en prière. C'est ça dont il est question. S'il arrive que quelqu'un touche à votre vie, quelqu'un de tenter seulement pour faire le plan pour venir toucher la vie, bam, que ce soit le Saint-Esprit qui intervient. Vous suivez? On va travailler ici, Dieu voulant, la prochaine séance, je ne sais pas quand la prochaine séance, je crois qu'il faut qu'on prenne dimanche, parce que dimanche, comme on commence la saison, on aura le temps de bien enseigner, de prier. Jeudi, on va encore prier. Mais dimanche prochain, Dieu voulant, on va travailler sur ce thème-ci. La part, comment les chrétiens doivent veiller. Pour qu'on puisse savoir, pour que chacun puisse savoir, c'est de quoi une question. Il faut qu'on, le moins arrivé, il faut qu'on vive le christianisme pratique. Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu chapitre 28 que enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on doit vous enseigner comment à mettre en pratique les choses que j'ai déjà dit. Enseignez-les à observer. Observer, ça veut dire qu'on met en pratique. D'accord? Alors maintenant, remarquez bien, on dit que Isaac, cette année-là, a semé et Dieu, il a récolté au. Les pasteurs viennent prendre ce verset, c'est que Isaac a semé, Dieu a multiplié parce que tu sens, si tu sèmes, Dieu est le Dieu des multiplications. Ça c'est très vrai, Dieu multiplie. Mais le vrai problème c'est que un, il y avait une situation de famille. Deux, Dieu lui a parlé, il n'est pas bougé. Trois, il pouvait semer maintenant et multiplier parce que Dieu a dit quelque chose. Donc le pasteur vient prendre ici devant pour vous dire que semer, vous allez voir comment Dieu va multiplier. Lui ne sème pas. Donc il récolte seulement de vous en disant que Dieu va vous multiplier. Donc lui il est la terre où il y a la famille. Continue bien en aide, n'est-ce pas? Amen. Et quand on dit comme ça, si tu sèmes, après il prépare deux ou trois personnes là-bas. Que viennent témoigner. Ces gens témoignent quand viennent, parce que le témoignage est destiné à stimuler d'autres qui ne donnent pas. Que ma soeur vient témoigner, un témoignage là-bas. Oui, j'étais ici là, je n'avais rien, j'avais mes 10 000 qui manquaient. Papa a dit que c'est pas la foi. J'ai serré par la foi, c'est rentré. Vous voyez, on se doit les gens comme ça, parce qu'après ça, il y a des choses que je sais. Après ça, quand l'argent entre, on lui donne sa part, que par exemple, ta part te dérange. Les chrétiens là sont trop durs. Vous semez comme ça, vous semez sous la malédiction. Vous devez savoir distinctement ce que Dieu dit de vous et ce que Dieu a dit. Remarquez bien ce que Isaac a semé dans ce pays parce que Dieu lui a demandé de rester. Maintenant, observez ce qui s'est passé pour montrer qu'il était béni. Regardez, verset 13. Cet homme devint riche. Donc, au milieu de la famille, il est devenu riche parce que Dieu l'a béni. Et remarquez très bien que sa richesse ne l'a fait en aucun cas s'en obéir. Jamais. Tous ceux de la Bible que Dieu a enrichi, qui sont de sa semence, comprennent effectivement que Dieu a donné cette semence-là pour qu'il puisse enrichir l'autre. Maintenant, suivez. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous entendez ça? Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Vous avez vu ça? Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui portent envie aux mondains. C'est les chrétiens qui portent envie aux mondains. C'est parce que l'autre met la main sur la joue comme ça que on est venu accompagner les mondains sur la terre. Mais dis à quelqu'un que nous n'avons point d'ici-bas des cités permanentes. Voilà. Vous êtes passé justement, donc vous allez venir accompagner vraiment. Il a dit que ton cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures, mansions, plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais Seigneur, comment nous ne savons pas où tu vas, comment voulons-nous en savoir le chemin? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vais au Père que par moi. Donc là, regardez comme vrai, le Père. Seigneur, ne suffit pas le Père, ça nous suffit. Depuis que je savais que toi, tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment tu montres le Père? Ne crois-tu pas que le Père soit en moi et que moi je sois dans le Père? Si du moins, tu crois à cause de ces œuvres, car c'est les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui demeure en moi. Le gars a été comme ça, il a dit que le gars, si nous malades, que le Père, c'est lui. Ouais, ça frère. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dans la chair humaine pour prendre ses hommes à lui pour rentrer à la maison. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le soucoupe volant des chrétiens. C'est notre soucoupe volant. C'est qui va nous amener. D'accord? Maintenant, regardez bien. Isaac sème dans ce pays, Dieu multiplie au centuple. Mais pourtant, au préalable, il y a des difficultés. Les difficultés, Dieu ne parle pas à tout le monde dans la difficulté. Ça veut dire que si quelqu'un voit comment Isaac a semé là-bas, il a mis le maïs aujourd'hui, tu cours d'un côté, tu mets le maïs, ça part pour ça, mais tu ne pas sans, tu pas les guêpes marches. Le gazim, le hazim et le djerek bouffent tout cela. Parce que Dieu n'a pas parlé à ton sujet. Si l'éternel est béni, c'est lui qui bénit, béni en vain. Si l'éternel est bâti, c'est lui qui bâtit, bâti en vain. C'est pour cela que quand vous le faites n'importe quoi, il faut au préalable que vous soyez en accord avec le Seigneur. Et que le Seigneur soit d'accord avec vous. Si vous êtes d'accord avec vous, avant, si vous n'êtes pas d'accord, même si les pasteurs disent n'importe quoi, même si n'importe quel prophète dit n'importe quoi, vous ferez mieux de quitter la foi. C'est pour ça que vous ne pouvez pas contenir la parole. Vous contenez la parole tôt ou tard, ça va vous revenir dessus. D'accord? Maintenant, regardez, avançons seulement. On a dit qu'il est devenu fort riche au point où les Philistins lui portaient envie. Donc, dans le pays, il était plus riche au point où le président de la République venait prêter que chez lui. N'est-ce pas une menace pour un pays comme ça? Un être humain que les finances du pays, il a plus que les finances du pays, c'est que celui qui contrôle le pays. Avançons. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplis de poussière. Donc, comme vous savez, quand on parle de puits, c'était important, enfin, c'est important dans la zone désertique d'avoir de l'eau. L'eau, c'est une richesse. C'est tellement simple que pour que tu aies un puits, il faut savoir imaginer à notre époque maintenant, on a des appareils pour creuser. Imaginez comment il devait faire pour trouver l'eau. Donc, il avait hérité les puits avec de son père. Si vous lisez Jean chapitre 4, vous allez voir que Jésus est assis à côté de ces puits-là. Juste parce que la Samaritaine est venue puiser l'eau. Après, il a dit que tu es plus fort que notre père Abraham, notre père Jacob, qui a creusé ce puits. Donc, le puits a été là long. Donc, c'est ça qui desservait la population. Donc, quand un seul puits était une grande richesse, parce que vous creusez un puits, ce n'était pas donné. Vous voyez cela? Il fallait, on n'a pas les choses maintenant faciles pour creuser. Alors, quand son père avait creusé le puits, quand il n'était pas là, ils ont fermé, mettre la poussière pour pour essayer de saluer le plus donc pour montrer que ta richesse va disparaître. Mais regardez ce que Dieu fait. Regardez. Avançons. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblaient, les remplis de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. De chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Il allait s'asseoir. Regardez bien très attentivement. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'où on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac. Je veux vous garder le nom serviteur d'Isaac. Je vais vous dire quelque chose et je vais revenir sur ce qu'il dit tout à l'heure. Parce qu'il cite quelque chose, vous pouvez croire parce que c'est par émotion ou bien j'ai dit en blague. Quand, mais peut-être quand je parle avec ma manière de parler, j'ai ri. Quand je vais revenir là-dessus, là, quand je garde serviteur d'Isaac en espérant de revenir. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Écoutez bien, verset 20. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac. Regardez, serviteurs d'Isaac. Regardez, bergers d'Isaac. Je vous dis quelque chose maintenant. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, verset 20. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits les noms des Zec parce qu'il s'était disputé avec lui. Verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il s'appela de Tsitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela de Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Vous avez vu cela? Mais là, écoutez bien. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picor, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi, jusqu'à que tu ne nous feras aucun mal. Voilà un être humain qui n'a pas d'armée. Il a seulement l'argent. On a seulement constaté que quelque chose ne va pas avec lui, que Dieu est avec lui. Il n'a pas d'armée. Le chef de l'État vient avec l'armée pour dire pardon. On a constaté que tu es ton Dieu est trop fort. Quelqu'un qui n'a pas d'armée. Observez seulement. Verset 28, verset 29. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. C'est un mondain qui vient dire au serviteur de Dieu comme ça. Que tu es béni de l'Éternel. Écoutez très attentivement. Isaac leur fit un festin et ils mangeaient et buvaient. Que manger et boire? Vous voyez ça, frère? Ce même jour, ses serviteurs. Écoutez. Ce même jour. Non, je crois qu'il est sauté là. Verset 31. Il se levait le bon matin et se liait l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et il le quittait en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il appela les Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Alors, quel est le problème qu'on le chassait chaque fois? Il y a la famine. Donc, la famine est un peu autrement parce qu'il y a la sécheresse. Parce qu'il y a famine parce que ça ne produit pas, parce qu'il y a la sécheresse. Et s'il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau pour irriguer. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, la culture n'est pas nourrie d'eau. Maintenant, non, la richesse donc, devient la richesse du sol, du sous-sol, de l'eau. Comme on en a plutôt le tout de pétrole. Quand on découvre un puits, peut-être qu'on pense que c'est la richesse. Là, c'était l'eau. Maintenant, on a remarqué que quand Isaac, on dit que va dans la brousse là-bas, va habiter là-bas, quitte venu. Il part là-bas. Quand on fait pas l'eau sort. Eux, ils creusent n'importe comment, ils ne voient pas l'eau. Alors, les gens viennent là-bas, que quitte ici, va dans la vallée. Ils vont dans la vallée, l'eau la tarie. Lui, il fait comme ça que. Quand il fait que. L'eau sort. L'eau, c'est l'eau de son père. La terre, c'est la terre de son père. Donc, s'il se tourne n'importe où dans le père, c'est ce qu'il envoie, il creuse l'eau va. Sortir. Maintenant, je vous ai demandé de noter serviteur d'Isaac. Berger dit. Voilà. Lorsque tu es berger et que tu marches, tu cherches les plantes, tu ne vois pas. Si tu deviens berger d'Isaac, tu vois la plante. Lorsque tu es serviteur dans le pays, tu creuses la terre jusqu'à ta part vient. Tu creuses pour chercher, tu ne vois pas. Si tu t'appelles serviteur d'Isaac, tu fais ça, tiens, l'eau sort. J'ai dit, si quelqu'un est chrétien, si tu as la tuberculose et que tu es chrétien, ta tuberculose se christianise. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà, c'est dans la Bible. Ça veut dire que tu es chrétien avec tout ce qui est de toi. Tout ce qui est de toi. Et par conséquent, si ton image est sur une photo, la photo là se christianise. Oui, si quelqu'un partait toucher le berger d'Isaac, il a touché Isaac et par conséquent, il a touché Dieu. Parce que les bénédictions de Dieu et la main de Dieu s'étend sur lui et sur tout ce qui lui appartient. Ah, c'est merveilleux tout simplement. Amen. Vous me suivez maintenant, n'est-ce pas? C'est ça qu'il t'a dit tout à l'heure là en rien. C'est ça qu'il voulait dire, souligner si vous dites quelque chose. C'est pour ça qu'il y avait une querelle entre ces serviteurs parce que les gars ne comprenaient pas comment ils creusent au même endroit. Vous, vous voyez l'eau, ils ne voient pas l'eau. Que c'est la terre fait la commune. C'est pas que la terre fait la commune, c'est que Isaac porte la bénédiction. Vous suivez là, Idéa? Oui, oui, frère. Voilà. Donc, c'est Isaac qui porte des bénédictions. Oui, à la technique là. Ah, donne ton témoignage, papa. Dis-nous, on ne te voit même pas. Tu allais te cacher derrière la technique. Oui, je ne te vois pas moi non plus, mais c'est pas. Ma voix est importante. Vous voyez l'assemblée, non? Oui, on va l'assemblée. Si elle vient là, je vais les cacher. Donc, voyez-les, c'est vos frères, non? Quand je m'installais ici, mon voisin de derrière. Oui. On n'a pas de l'eau aussi. Bon, j'ai donc creusé un puits. Il avait creusé plusieurs puits. Il n'a pas pu trouver de l'eau. Oui. C'est quand moi j'ai trouvé de l'eau qu'il s'est rapproché de mon puits dans le même secteur pour avoir aussi de l'eau. Applaudissons pour le Isaac d'Edea. Applaudissons. Applaudissons parce que vous êtes jaloux. Quand tu portais la bénédiction. Ah, c'est sûr. Ah, c'est clair. Amen. C'est pour cela que lorsque, en réalité, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que les pentecôtistes font, c'est parce que d'autres font par électrisation, d'autres font par émotion. Il y a des choses qu'ils disent qui sont vraies. Mais le problème, c'est qu'ils ne disent pas la chose vraie en étant dans le vrai. La Bible déclare que tout l'endroit où ton pied va fouler, je te donnerai pour posséder, pour possession. Normalement, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Mais voici le vrai problème. Le vrai problème, c'est que il faut que Dieu t'ait ordonné que va mettre le pied. C'est parce que c'était comme ça, il dit que merde, quel endroit le plus beau de ce pays, c'est Dieu étourdit. En même temps, un autre chrétien, il dit étourdit. Et tout le monde parle là-bas, on met le pied au même moment. On va diviser la présidence. Donc, en réalité, il faut que Dieu t'ait dit que tu ailles dans telle direction. Comme il a dit à Isaac, il a dit séjourne-toi dans ce pays. Remarquez très bien qu'il avait dit la même chose à Abraham. Et Abraham a creusé et puis donné le nom Bathsheba, Soukosh, ici, Sichem, ici là. Vous montez, vous descendez, comme il a donné Sichem, parce qu'il y a un pourquoi. Quand on dit Bathsheba, ça veut dire que le puits du serment, le puits où on a fait alliance, ça donne ce sont les limites qu'il a donné. Quand il fait comme ça, il quitte n'importe comment, même si quelqu'un naît, il n'a jamais entendu, il est prophète, vous demandez que quel est ce puits-ci. Il ouvre la bouche, Dieu dit Bathsheba. Parce que c'est Dieu qui a mettre la limite du territoire. Vous suivez, n'est-ce pas? Quand vous allez voir le livre de Josué au chapitre 13, Josué chapitre 13 et chapitre 14, lorsqu'ils vont sortir, il va donner la répartition du pays. Il va dire, votre limite va aller de Bathsheba jusqu'au puits. Donc, Dieu cite exactement l'endroit où le puits se trouvait. Vous voyez, donc, ce sont les bornes qu'il mettait. Lui, voyait, attends, dans son esprit, les mondains, eux, voyaient quoi de l'eau. Donc, en conclusion, vos difficultés doivent être transportées maintenant et christianisées. Vous êtes prêts? Voilà. Alors, le chrétien, je vais parler du cas de chrétien, quand je parle de chrétien, parce que je suis dans notre époque, les types qui sont dans l'Ancien Testament, c'est les types pour montrer aux chrétiens ce qu'ils doivent se censer vivre. Le chrétien ne regarde pas les quatre points cardinaux pour chercher le problème. Même s'il est encadré, il doit regarder à celui qui est en haut, parce que celui qui est en haut est au-dessus des quatre points cardinaux. N'est-ce pas si vous dites amen, vous saisissez. Quatre points cardinaux, ça veut dire que, si vous regardez, nous sommes par exemple dans une salle, n'est-ce pas? Vous allez à gauche, il y a un mur. À droite, il y a un mur. Derrière, il y a un mur. Devant, il y a un mur. En bas, même, il y a un mur. En haut, il y a un mur. Le vrai problème, c'est que, au-delà de ce qui est en haut, il y a quelqu'un qui est invisible. Donc, il faut regarder donc, au-delà des murs. Au-delà donc, des difficultés. D'accord? Prenons deux ou trois exemples encore avant de commencer la prière. Vous êtes prêts? J'espère que vous êtes à nous, les gars, comme ça, vous ne dites pas que. On va prier. Exode. Chaque fois dans la vie, vous allez voir ce même scénario. Les gens qui vivent avec Dieu, quand il y a des difficultés, ils sont calmes. Vous pouvez voir cela dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, lorsque les soldats sont venus pour arrêter le prophète Élisée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Les soldats allaient chaque fois, quand le roi d'Assyrie faisait le plan avec ses généraux pour aller attraper le roi d'Israël, Élisée disait à son serviteur que descendu au roi, qu'on ne descend pas à tel endroit, l'armée sera là-bas de l'eau. Il a fait comme ça une, deux, trois fois. Les gars faisaient le plan. Ils étaient cinq à la maison. Le roi fait le plan comme descendant. On va camper là-bas. La Bible déclare qu'il n'a pas fait pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Le roi finalement a accepté de demander comme mince. Qu'est-ce qui arrive? Comment on fait le plan ici? On est tâte. En allant là-bas, on arrête des jours toujours. Un général a dit que, oh mon roi, vie éternellement. Ce n'est pas nous qui faisons. Il n'y a pas de complot. Et ici, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas à Dothan qui s'appelle Élisée. Même si je n'ai pas encore à le roi, il dit, je t'aime. Il connaît. Le roi dit que c'est comme ça. Il dit, donc c'est donc celui-là le problème. Allons d'abord là-bas, deux rois. Gardez le doigt d'Exode. Que Dieu vous bénisse, frère. Deux rois. Second King. Quand vous allez prendre le livre des deux rois là, prenez le temps de lire après le chapitre 1 jusqu'au chapitre 15, vous allez avoir des histoires époustouflantes là-bas qui dépassent l'entendement humain, qui défient la science. D'accord? Deux rois au chapitre 6. Deux rois au chapitre 6. Bien-aimé, le pourquoi le Saint-Esprit amène ceci, c'est que vous regardez au-delà des problèmes, mais vous fixez les yeux sur celui qui est le solutionnaire de ces problèmes-là. Deux rois au chapitre 6. Je vais à partir du verset 8. Deux rois chapitre 6 à partir du verset 8. Vous pouvez noter du verset 8 jusqu'au verset 23. Donc, deux rois chapitre 8. Chapitre 6 du verset 8 au verset 23. L'histoire se trouve là-bas. Mais j'ai dit, prenez le temps de lire deux rois, le livre deux rois, chapitre 1 jusqu'au chapitre 15. Vous allez voir des choses merveilleuses là-bas. Et à partir de quand vous allez voir comment Dieu agit, posez-vous seulement la question, est-ce que ce Dieu a changé? Posez-vous seulement la question, est-ce que Dieu là est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Posez-vous la question, est-ce le même Dieu que ceux-ci ont servi, que nous servons? Comment quelqu'un peut être dans des moments de difficulté et il est calme dans son coin? Alors que les gens sont de crier de gauche à droite. Disons cela, puis on va lire encore une autre histoire là-bas, d'accord? On va voir au chapitre 17, regardez. Le roi et Syrie étaient en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Vous avez cela? Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Si les hommes qui sont au pays, les chefs d'État qui disent au pays, considèrent Dieu de la bonne façon, c'est vrai qu'il y a des messages qui vont présents. C'est comme ça que Dieu dirige le pays. Il y a un président, il y a quelqu'un. D'état, c'est que s'il y a une attaque qui se prépare contre lui, Dieu envoie quelqu'un, va lui dire, merci par le Seigneur, fais attention, telle chose en ne se passer. Voilà, va ça dans la Bible. Vous voyez, il reste comme ça, où il parle, il y a un coup d'état. Comment pas avoir coup d'état sans que personne n'est au courant? Comment ça peut se passer? Donc, quelqu'un est dans le plan, comme ça, il fait le plan. Dieu envoie, il est en train de voir. Il voit. C'est ce qu'on parle au-dessus. Quelque chose ne va pas. Alors maintenant, regardons ici. Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Les gens, quand le truc disait, et le roi envoya les gens aller guetter. Ils vont partir guetter, ils voient effectivement que la troupe venait dans cette direction. Ils se disent, ok. Donc ce que l'homme de Dieu dit, quand quelqu'un dit une chose, une fois ça arrive, deux fois ça arrive, méfiez-vous tout simplement. On va voir dans le chapitre 17 tout à l'heure, le tout chapitre 17. Avec le ainsi parle le Seigneur qui sort de sa bouche. On doit craindre Dieu. Regardez, continuez ici. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il veut parler de qui est la taupe parmi nous. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, l'un de ses serviteurs répondit, personne, oh mon Seigneur, roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc reste là-bas dans ton palais, dis quelque chose, il entend. Comment celui-ci qui avait le roi, c'est Élisée qui a fait? Quand Élisée est en train d'entendre, lui, il est où pour entendre, comment Élisée entend? Il veut par là dire, Dieu avec celui-là, si tu n'importe quoi, aucun plan n'est un plan pour lui. Vous voyez? Voici le Dieu que c'est votre frère. Regardez, verset 13, et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Mais c'est quand même, c'est la folie ici, pas vrai? On vient de lui dire, tu dis que je suis dans ta chambre à coucher, il entend, mais tu viens de dire qu'allez le prendre. Donc là, l'autre n'a pas entendu. C'est pour ça que quand il vous dit que si Dieu ne touche le cœur d'un être humain pour que quelqu'un retourne en lui, c'est la folie. Là, normalement, quand on lui a dit comme ça et qu'il a vu que le plan a échoué deux, trois fois à cause de cet homme-là, il veut dire que ça veut dire qu'il a un Dieu qui est plus supérieur au nôtre. Et aller là-bas se dire comment vous servir votre Dieu. Mais comme ils sont aveuglés, il va se dire non. Ça, il veut par là dire que non. Ça veut dire que pour que notre plan marche, il faut qu'on tue celui-ci. Et c'est celui-là qui dénonce le plan chaque fois. On veut de lui dire que si tu dis dans la chambre à coucher, n'importe quoi, il rapporte. Il dit ok, donc c'est lui, allons l'attraper. Dans l'autre là, il comprend tout, sauf l'autre là. C'est quand même terrible, pas vrai? C'est comme ça. Si Dieu ne vous appelle pas, vous allez tourner en rond. Regardez, si vous lisez le cas de Jacob, quand il quittait chez Laban, son beau-père, il a quitté avec sa fille, aller quelque part. Laban s'est levé le matin comme ça. Quand on lui a dit que ton beau-fils est parti avec tes enfants. Avec tes enfants, il a dit, hein? Il a pris la troupe, chassé. Alors quelque part, quand il s'est reposé, Dieu est venu la nuit, le Dieu tout puissant de la nuit. Quand tu vas arriver vers lui, ne lui dis rien de mauvais, ni rien de bon, sinon je vais te traiter. Il s'est levé le matin, pourquoi arrêter de le trouver. Il dit que Jacob, comment tu es parti comme si tu étais le voleur? Comme si tu étais un voleur, tu volais ma fille, comment? Il dit que heureusement que ton Dieu que tu sais m'a dit la nuit qu'il ne te dit rien de mauvais, ni de bon. Ton Dieu que tu sais. Après, il dit, donne-moi mes dieux. C'est terrible. Et son Dieu, c'est un statue. Il dit que le vrai Dieu a dit qu'on ne dit rien de mauvais, ni rien de bon. Et puis il dit, donne-moi mes dieux. On est rentré. Vous voyez que quelque chose ne va pas venir l'être humain. C'est pour dire qu'on ne vient pas chez Dieu, n'importe quoi. S'il ne t'appelle pas, tu ne peux pas venir. Pourtant, c'est le Dieu tout puissant qui lui a parlé. Il ne pouvait pas dire, ah, mais je ne fais pas comme ça, je cherche mon Dieu. Donc, c'est la statue de Niette. Si la statue est tombée, il va dire, hé, mon Dieu est tombé. C'est lui qui va porter Dieu pour mettre là-bas. Pas vrai? Qu'est-ce qu'il lui prend? Et le Dieu qu'il a à la main, c'est une sculpture que quelqu'un a pris comme ça avec la machette. Nettoyer, faire les yeux. Souvent, c'est même l'air, souvent un jar. Donc, son Dieu, c'est comme ça. Et le vrai Dieu lui dit, avance là-bas, ne lui dis rien de mauvais, ni rien de bon. On lui dit, ah, c'est toi le vrai Dieu? Oui, je te demande pardon, je vais être sur ton enfant. Si on ne vient pas chez lui comme ça, pour qu'il t'appelle. Vous voyez? Voilà encore un autre ici. On dit que c'est Élisée qui dit n'importe quoi. Il dit, ok, allons le prendre. Donc, en disant, allons le prendre, il ne connaît pas que tu as dit, allons le prendre. Quand vous allez venir, vous allez vous camper là-bas. Quand vous campez là-bas, vous faites le plan pour vous camper. Il connaissait. C'est maintenant que vous allez venir comme ça, que doucement, allons capturer Élisée. Il va rester un tour de captiver. Suivons la suite de l'histoire. Verset 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vient lui dire, voici, il est à Dothan. Il y a envoyé des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Donc pour lui, il fallait envoyer une brigade, ce qu'on appelait aujourd'hui les billes. Ils ont enveloppé la ville. Donc ils sont entrés dans la ville d'Ona, versés partout pour chercher qui? Un seul homme. Je vous avais dit ici dans un enseignement que Satan peut bouleverser toute une ville à cause d'une seule personne. Donc vous tous qui tombez sous les balles là, vous êtes des dégâts collatéraux. C'est pas encore cher, c'est la même personne. Quand on capture la personne, les autres sont considérés comme des dégâts collatéraux. On ne vous gère pas. Voilà ça. On envoie toute une armée pour aller chercher une seule personne. Ils versent comme ça là. Quand les militaires font le sang, ça, c'est la nuit qu'ils sont venus. Ils sont dans les camoufles. Ils sont dans les ce sont comme ça, on sort de la tête. Tu fais, couche-toi. Tu dis, hein? Avant de lui, on fait bam sur toi. Tu es couché là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a avec quelqu'un? On ne pose pas la question. Parce qu'on cherche qui? Élisée. On vous réunit là-bas, on ne dit rien à personne. Tu es seulement là pour coucher. On ne te demande pas, on ne te pose pas de question. On vous ramasse. C'est vrai que notre militaire aujourd'hui, quand il ramasse comme ça, là, il fouille ta poche. C'est les dégâts collatéraux. Ce sont les frais de mission là-bas. On vous fait une mission. C'est comme ça que les militaires font ça. Alors, on fait comme ça pour chercher qui? Cet homme-ci. Donc, on vous laisse toute la ville où il habitait à Dothan à cause d'Élisée. Maintenant, regardons ce qui va arriver. Suivons l'histoire. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Pour chercher un être humain, un père. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, je t'avais toujours dit de ne pas parler au président comme ça. Voilà ça maintenant, tu nous as attiré le problème. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voici dans les ailes. Nous sommes au verset 15 maintenant. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Parce que les soldats sont venus la nuit. Ils ont cerclé, pris les plans de position. Il a vu les militaires partout. Il se tournait vers le pasteur. Il a dit, je vais essayer la prédication. Ne prêche pas ça. Et si tu prêches chaque fois, tu es derrière le président. Voilà maintenant que nous avons les... Vous comprenez ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas? Hein? Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Okay. Amen. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? On va s'en sortir ici, quand? Comment? Je vous ai dit, quand il y a problème, l'homme qui connaît Dieu ne fixe pas les regards sur les problèmes, fixe sur celui qui solutionne les problèmes. Alors, Amen. La question maintenant, c'est si Dieu avait révélé à Élisée que dit à David de ne pas descendre à tel endroit. Parce que les soldats, ils sont. Est-ce que le fait qu'on vienne l'attaquer, Dieu ne peut pas le revenir? Mais le voici, on est venu à Dothan, il est resté à Dothan. Comme il est resté à Dothan avec cette difficulté, ça suppose que Dieu a quelque chose qui veut démontrer au travers de cette difficulté. Parce que Dieu pourrait lui demander, sors de la nuit et parle. Et il sort, il parle. Les gens viennent, on fait tout le monde, on passe au peuple, on le retrouve. Donc Dieu a une solution. Quand Dieu laisse un chrétien passer par une difficulté, il y a quelque chose qui va le faire ressortir. Vous voyez cela? Alors on va continuer ici. Il répondit, ne crains. Voici, c'est la personne qui a le problème, qui a dit à quelqu'un qu'elle est paniquée, ne crains point. Si on vient là, on les voit à deux, on va laisser celui-là, c'est lui qu'on va chercher, parce que c'est lui qui donne le message pour déranger le président. Pas vrai? Comme par exemple, on peut venir, on va dire que, qui prêche ici? Le frère s'est dit que d'abord, je n'étais pas venu ici, là, c'est la première fois que j'ai fait ici. Pendant qu'on parlait, il allait chercher que je n'étais pas ici. Celui-ci dit que vous-même, vous êtes d'accord avec qu'il sort des dés à nous. Est-ce qu'il y a le même doigt là? Si vous voulez, la soeur qui est en Belgique, elle a dit que les services secrets sont trop forts. Elle était directement sur Skype. Qu'est-ce que vous faites? Que dans le son du message pour le président, vous avez entendu même avoir les derniers noms. Mais celui qui a le problème dit ne crains point. En fait, quand il ne craint point, il veut dire le Seigneur est avec nous. C'est parce que il y a des messages, des choses, des styles des prophètes que je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas déployer parce que c'est incompréhensible avec le style de la Bible. Quand il dit, quand vous voyez, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, il veut dire toutes les vos difficultés, je suis au courant. C'est ce qu'il a dit, que ne crains point, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et il sait que ça va s'alarmer. Il veut parler, dire que je suis au courant de ce qui veut faire trembler. Détourne-toi de cela. Concentre-toi sur moi. C'est ce que le petit mot ne craint point de dire. Que ton cœur ne s'alarme. C'est ce que ça veut dire. Vous suivez ça? Frère, j'ai dormi à 3h. C'est quoi, frère? Frère Junior, c'est fort. Il a dit quelque part un verset biblique ici que décharger sur le frère Junior de tous vos soucis. Il y a un verset comme ça ici. Il a dit on décharge où? Donc dis à ton voisin que Jésus-Christ. Le Isaac en décret, c'est celui qu'on verse. Ça, quelque chose, c'est celui qu'on verse. Quand on rate cette cible-là, on commence à chercher. C'est pour ça qu'on crée. J'ai dit que je suis en train de vouloir vous former à une dimension de prière. D'accord? Voilà, regardons ici. Verset 16, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Là, ton voisin, regarde au-delà de tes difficultés. Encore, regarde au-delà de tes difficultés. Regardez, si vous citez n'importe quel métier sur cette terre, je vais aller dans la Bible, vous donne un verset. Je vous montre ceux qui ont vécu dans la difficulté et ceux qui ont vécu dans l'abondance avec cela. Tout en avant, le cas d'Abraham, d'Isaac, qui a été riche au milieu de la famille. Il s'est enrichi. On a vu le cas des gens qui étaient riches. Dieu a même frappé plutôt cette richesse pour montrer que c'est lui qui contrôle. Ici, il y avait la famille, il donnait plutôt. Là-bas, il y avait la richesse, il détruisait plutôt. Le Dieu qui fait toutes choses comme il veut. Où est-ce là? Voici maintenant quelqu'un qui est attaqué par les lions. On a sorti toute la terre. On dit que des chevaux et des chars. Lorsque tu veux courir, les chevaux sont derrière toi. Où est-ce là, n'est-ce pas? Donc, même si tu déplaces le coup, comment tu ne peux pas combattre? Parce qu'ils n'arrivent même pas d'avoir les armes conventionnelles. Alors, on prend ça pour venir comme ça capturer un être humain. Il reste tranquille. Il ne panique pas. Mais la personne qui ne voit pas au-delà du problème, il panique plus que lui. Je me souviens un jour quand j'ai un frère là qui est venu ici. Le garçon qui ici était tombé comme ça. Il était à 42 degrés. 42 degrés. Il chauffait là comme ça. Brrr. J'étais là, il disait comme ça. Celui-ci est venu là toucher comme ça. Chacun me regarde ça comme ça. Pourquoi? Parce que la science a dit que quand c'est à 42 degrés, c'est très grave, il faut aller d'abord, ça se penche derrière vers le cercueil. Vous avez un verset biblique comme ça ici? Il y a un verset biblique? Non. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que Dieu a donné le signal dans cette affaire? Je ne suis pas perturbé quand n'importe quel événement arrive. Alors, pendant qu'il était là, il a dit qu'il a pris la serviette là-bas, mettre la serviette sur son truc, mettre ici la serviette, la chaleur sécher la serviette. Il a pris aussi mettre. Et il dit que, il va faire la combine avec ma femme, il dit que, ah mais coco, sort homme à la main habitable. Elle dit que non. Elle dit, vois son père d'abord. Et sa mère, elle dit que laissez l'enfant là-bas. Là, laisse-le là-bas. Il était mort. Non. On a injecté quelque chose sur lui. Non. On a dit le remettre pour sa part. La question c'est qu'est-ce qu'il faisait le 42 billets? Si c'est à minuit, waouh, on lui démarre la voiture, on parle. Tu parles réveiller les médecins. Même les médecins qui sont indigents, il veut profiter pour dormir. Tu veux l'autre. Peut-être c'est lui qui peut encore créer le problème là-bas maintenant. Parce qu'on avait 42 degrés. Normalement, qui est ici en bas, celle-là qui est ici en bas, un jour, j'ai fini de travailler, mais 3 heures, il entend brrr. Il sait que normalement, c'est pas normal que quelqu'un parle à 3 heures. Elle a appelé sur le monde de ma femme. Quand ma femme dormait, il ne pas déranger. J'ai pris, répondu. Deux fois, elle a dit que c'est fort. Il dit à ma femme que réveille-toi. On va. Il dit celle qui est ici en bas. Puis quand vous montez à l'escalier, là, à droite, là, je suis descendu là-bas, il dit c'est quoi, je suis là-bas, ma femme. Elle dit que Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? C'était quoi? La femme avait quoi? La femme avait. Je me souviens plus que c'est la femme. La femme pleurait, avec la diarrhée. La température, c'est la température, avec la diarrhée. Les selles gluantes. Je suis sorti, elle était paniquée. Elle sortait de l'hôpital, elle a dépensé 200 000 francs. Je suis sorti avec mon épouse. En voyant, elle a appelé un monsieur ici, un de ses collègues, qui sortait de l'hôpital dans la voiture. Tout le monde, on était à 3 heures là. Elle a arrêté de valise pour aller. Je suis venu, elle a tendu la main sur l'enfant. L'information qu'elle a, ce n'est pas l'information que j'ai. Elle est comme cela. Elle regardait, elle m'a paniqué. Pendant qu'elle regardait l'enfant, elle fait des choses, elle dit qu'elle veut partir. Je dis, tu peux avoir l'enfant. Il m'a fait à l'hôpital, il dit, laisse l'enfant là, rien. Laisse le matin, rien. Ici, avant que tu me dises ça, vous devez savoir de quoi il est question. Parce que si l'enfant meurt, la prochaine fois, il monte. Que je voulais aller à l'hôpital, tu as dit quoi? Que l'enfant n'a rien. Jusqu'à là, ce n'était pas. Vous savez, quand c'est pour ça que quitter le domaine charnel pour vivre le domaine spirituel. Vivre le domaine spirituel ne veut pas dire nécessairement que vous voyez quelque chose. C'est une chose qui veut que vous dire. Vivre le domaine spirituel, ça veut dire que ça passe ou ça casse, j'ai fait confiance au Seigneur. Vous faites confiance au Seigneur, de toute façon, il va honorer votre foi. D'accord? Alors, le vrai problème, c'est que le monde est lié au homme. Il voit là la difficulté, il te regarde. Toi, tu n'es même pas rassurant. Parce que quand il parle, vous allez sortir, moi, tranquillement, il dit qu'il n'y a pas de problème. Le monsieur qui est venu comme ça, lui, il regarde comme ça, il regarde la situation, il regarde comme ça, puis il vient dans quel cas. Je suis sorti, il dit que l'enfant n'a pas de problème. Laissez l'enfant, ça va aller. Mais il a préféré pas aller dépenser combien? 200 000 francs. Là, elle est rassurée parce que le médecin peut le faire. C'est un spécialiste. Attention, elle a fréquenté à Nantes. Comme ça. Madame, calmez-vous, ça va aller. Elle va faire. Parce que le spécialiste de cette chose a dit. Et c'est pas que le grand docteur, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. On continue ici. Continuons. Ouais. Verset 17 maintenant. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Donc, c'est ça, ses yeux qui ont le problème. Parce que ses yeux physiques, vous voyez aux choses physiques qui étaient devant lui. Parce que, quel renseignement qu'on a donné? Que les militaires étaient venus la nuit, non? Le matin, celui-là s'est levé, il a vu le militaire. Vous ne pouvez pas pour le contrer. La difficulté est là, devant lui, là. Il faut qu'il s'en sorte. Mais quelqu'un est au milieu avec lui. Lui voit en même temps ses difficultés, mais il ne prend pas garde à ses difficultés. Il regarde qu'au-delà de cela, il y a des solutions. La Bible déclare verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Donc, le monsieur regardait sans... Le premier point de prière, ce sera maintenant, consistera maintenant à ce que Dieu ouvre nos yeux de la foi pour que nous voyons ces solutions qui disposent en notre faveur. Notez. Ça, vous allez prier ça et prier ça à la maison jusqu'à ce qu'on se rencontre à la prochaine séance. Donc, le premier point de prière, ce sera, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les solutions que tu disposes en ma faveur. Dieu veut nous donner le premier point de prière. Vous y êtes? Pas d'accord. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les solutions que tu disposes en ma faveur devant n'importe quelle difficulté. Vous ne pouvez pas savoir comment il me semble. C'est comme s'il est grandi en taille. À aider en Belgique, ça va? Vous avez le problème pour les prières, n'est-ce pas? Tu as dit comment? Seigneur, tu as dit comment? Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les solutions que tu disposes en ma faveur devant toute difficulté, n'est-ce pas? Voilà. Voilà le premier point des prières. Vous avez noté, n'est-ce pas? Ah, frère, si ces choses se passent en vous, le monde va aller gauche, va aller à droite, vous serez serein. Oh, on est en train d'enlever les gens dans notre travail. Tu restes tranquille. Tranquille. Si Dieu te montre ce qui est arrivé. On avance ici. Élisée pria du verset 17 et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit quoi? La montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Autour d'Élisée. Autour d'Élisée. Mais ça, on peut passer au travers de ce mur-ci maintenant. On n'a pas dit autour de la ville. On a dit autour des vœux. Mais on dit des chevaux et des chars de feu. Autour d'Élisée. Mais les soldats sont pleins dans la ville. Et c'est qu'il devait dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Donc, la quantité des soldats qui étaient versés dans la ville, le mur de protection qui était autour de l'Élysée, était plus nombreux que cela. En plus de cela, il n'y a pas besoin que le nombre là soit là. Un seul des anges là terrorise tout cela. Ça suffit que l'ange tend sa main comme ça, cette une personne tombe là. Vous voyez ça, frère? Regarde ce que quelqu'un dit. L'ange du Seigneur, campe autour de toi. À condition que tu vives hors du péché. Je fais ça. C'est ce que la Bible déclare dans ces proverbes, dans ces psaumes 38. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et craindre l'Éternel, ça veut dire haïr le mal. Haïr le mal, ça veut dire que c'est éloigné du péché. Donc vous vivez dans la sanctification, le Seigneur est avec vous. Vous êtes avec moi? C'est ce que ce psaume-là dit au verset 19. Il dit que lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Il dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc en fin de fin, ça sera fin de fin pour toi, tu auras la victoire. C'est ce que Dieu a dit. Ça ne veut pas dire que non, quand je suis chrétien, rien ne peut arriver. Non, c'est pas comme ça. Tu vas goûter ta part. Chacun a sa portion. Alors je peux dire ça. Alors maintenant, regardez bien. Enfin, lisez la suite. Quand Élisée, comment ça s'appelle Géasi, son serviteur s'appelle Géasi. Il y a Élisée. Élisée, qu'est-ce qui le faisait donc confiant? C'est parce qu'il avait vu qu'il y avait la solution, non? C'est parce qu'il a vu qu'il y avait la. Donc si vous avez un problème et que Dieu donne une indication par rapport à ce problème-là. Supposons que par exemple vous allez chercher un mari. Et que Dieu dit, attends, au moment opportun, je te le rendrai. Vous savez que Dieu vous a fait une promesse. Si vous dites, j'ai besoin d'attendre un enfant, Dieu te montre en vision que voici ton enfant. Voici l'enfant arrive. Il a déjà dit quelque chose. Donc, mais s'il n'a pas dit quelque chose, il faut continuer à prier. S'il a dit quelque chose, il faut t'attendre à cela et te réjouir. Donc, il faut entendre la voix de Dieu dans toutes les situations. Savoir ce que Dieu a dit, l'opinion de Dieu. C'est l'opinion de Dieu donc qui compte. L'opinion que Élisée avait de Dieu, les difficultés qui étaient là-bas, c'était que je suis le mur de ta protection, tu es la prunelle de mes yeux. C'est ce qu'il est en train de dire, l'opinion. Autrement dit, si Dieu est ton protecteur, vous dites, l'Éternel est mon bouclier, n'est-ce pas? C'est quoi un bouclier? L'Éternel est mon bouclier. Je ne craindrai point. Il est mon protecteur en qui à lui me confie. Quand c'est fort, fort, fort, tu dis que non, va au village, t'es blindé. Dieu lui dit que le marabout est ton protecteur. Pourtant, tu dis, l'Éternel est mon bouclier et ma force. Je ne craindrai aucun homme. On est que ton oncle là a mis ton nom sur la liste. Hein? Sur la liste, oui. Que c'est Dexambre si. Attends, Dexambre arrive, tu es fini. Tu dis Seigneur, Seigneur, tu vois encore les esprits des morts. Seigneur, Seigneur, demande pas le. Tu vois le cercueil. Dieu répond lentement. Dieu a dit, aide-toi le 7 général. Tu crées un verset biblique qui n'existe pas. Tu vas au village pour faire quoi? Pourquoi on te protège? On fait les donc, pourquoi on ne te tue pas? On va faire comme ça. On prend la poudre. On met là. Tu es protégé. Vous voyez que quelque chose ne va pas chez quelqu'un, pas vrai? Amen. Mais maintenant, autour d'Élisée, se trouve un muraille qui est construit. Bien que ce soit invisible au sens physique. Mais la Bible nous renseigne que quand il a prié, Dieu a ouvert les yeux du Seigneur. Quand il s'est tourné là-bas, il a vu. Il a besoin de dire que je suis ton serviteur, même si n'importe quoi arrive. Je suis avec toi. Prêche les messages là contre le président. Même si on fait quoi, on peut nous faire quoi ici dehors? Parce qu'il a vu qu'il y a la protection angélique à côté. Dieu donc, pourquoi ne s'enorgueille pas comme ça? C'est pour ça qu'il nous laisse qu'on vive dans la foi. Il a donc dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit ça, c'est une promesse qu'il a donnée. Est-ce qu'il a dit, je suis avec toi quand tu n'es pas dans les problèmes? Si quelqu'un est avec toi quand tu n'es pas dans les problèmes, c'est un bon ami. C'est justement comment quand tu es dans les problèmes que la personne te délivre. Alors, vous voyez cela, il dit que, invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai et tu me glories. Donc, il faut qu'il y ait des détresses pour que tu te souviennes que c'est Dieu qui est mon délivreur. Celui en qui je me confie, tu l'invoques, il te délivre, et tu dis Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. C'est ce qu'il dit. Amen. Ouvrons Ésaïe chapitre 43 là. Ne fermez pas, ils sont là, il est venu. Souvenez-vous, il y a Exode, je ne sais pas où il a nous entendre ce soir-ci. Il y a Exode 14 qu'on a ouvert, on a laissé. J'ai dit que tout le monde le là, il a dit qu'on va au chapitre 7. Donc on va y revenir. Alors maintenant, dans Ésaïe 43. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Ésaïe 43. Que le Seigneur Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Voilà. Ésaïe 43, regardons les versets 1 à 3. Vous voyez? Ésaïe 43. Ainsi parle demain l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Maintenant. Quand ça, frère? Maintenant. C'est maintenant. Maintenant. Ok. Dis à ton voisin, Dieu est le Dieu de maintenant. Donc il est au courant de ta difficulté maintenant. Alors que nous tenons ici connaître tes difficultés maintenant. Ainsi parle maintenant. Vous ouvrez ça en 2014. C'était maintenant que vous avez lu. 2016, c'est maintenant. Donc Dieu est le Dieu du présent. Vous allez dormir. Si vous dormez, vous dites que ça c'est maintenant pour aller le dire. Et le lendemain, ça sera comment? Le lendemain, va venir le verset biblique. Ça va dire maintenant. Amen. Amen. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh, même tu mets ton prénom. C'est juste, tu mets Jules. Celui qui t'a formé. Oh, si tu as mets pour ta femme maintenant. Sois bouleversé. Hein? Quand il dit de craindre, c'est parce qu'il y a une situation de crainte. Il dit ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Vous avez vu? Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc ça veut dire que même si n'importe quelle situation, je suis avec toi. Il ne dit pas que. Il n'a pas dit qu'il va sécher le cours d'eau. Non. Il a dit si tu traverses, je serai avec toi. Donc si tu veux noyer, il dit que nous avons ensemble. Alors c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que non. Il va te mettre au large. Non. Il va dire tu vas traverser ces eaux-là, mais sans doute que tu vas commencer du début de l'autre bord, tu vas quand même arriver. Donc si le crocodile vient, avec le crocodile, on va voir comment on va s'en sortir avec le crocodile pour qu'on va traverser. Si tu traverses, donc ça veut dire que si tu, donc il y aura la possibilité que tu traverses. Donc il veut dire si les difficultés se trouvent dans les eaux, ne t'inquiète pas, il sera au. Chaque fois quand tu vas citer ces choses, vous allez voir qu'il y a un exemple dans la Bible. Alors, deux événements nous ont traversés dans la Bible quand le Seigneur Jésus qui a dit ceci est venu dans la chair. Il était un jour dans le bateau en train de dormir, ça, il traversait les eaux. Maître, nous périssons. Quand il s'est levé, il a dit que pourquoi avez-vous peur? C'est parce qu'il l'avait déjà dit, si tu traverses les eaux, ne crains. C'est pour ça qu'il a posé cette question à ses disciples. Il avait dit ça 800 ans avant. On dit, c'est le livre de Messie ici. Et quand je vais venir, si l'eau est là-haut, ne craignez. Mais le vrai problème, c'est que dans les difficultés, tu cherches les versets bibliques, ça ne donne pas. En fait, même quand je viens de dire que le Seigneur est ma foi, quand tu ouvres les yeux, tu vois les difficultés, pas vrai? Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront. Vous voyez, l'apôtre Pierre avec lui. Quand il a même marché sur les eaux, il a marché avec lui là-bas, n'est-ce pas? Il a voulu le noyer, n'est-ce pas? Il a quand même prié. Donc, c'est ce que, voilà la preuve physique. Donc, ce qu'il a dit n'est pas seulement spirituel, c'est physique aussi. Il a vécu ça physiquement. Pas vrai, frère? Regardons ici. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Vous avez vu ça? Tu ne te brûleras pas. Tu as vu ça? On a vu le cas d'Abednego, Shadrach et Meshach. Le cas pratique, on a pris pour jeter le feu, il s'est trouvé là-bas. Nebuchadnezzar qui avait dit qu'on chauffe le feu 7 fois plus que ça soit, de plus chauffer coordinaire. Il s'est levé de son trône et dit, mais il s'est tenu vers sa sécurité. N'avons-nous pas jeté 3 ans là-dedans? Il dit, oui, mais je vois 4. Il avait dit qu'il était là. Il n'a pas dit que de l'extérieur, il a enlevé du feu. Il a dit, je serai avec toi. Donc dans le feu, il était avec. Dans l'eau là-bas, sur les rues de Galilée, il était avec eux. Le verset biblique donc peut être digne des fois. Le verset biblique peut être digne des fois. Parce qu'il n'y a pas ces cas-là, c'est que tu vois comme ça, dit que frère Junior, feu, si veut dire quoi? Feu, si ça veut dire feu. Parce qu'on a vu quelqu'un vraiment dans le feu physique. Et il était à l'intérieur avec eux. On a vu quelqu'un dans de l'eau qui voulait se noyer. Il était avec eux. C'est ce qui est écrit par le frère. Donc chaque exemple est mis en pratique dans la Bible. Alors, si on voit la promesse qu'il a donnée, je vois que cette promesse-là a déjà été accomplie en une personne qui était dans cette difficulté. Quelle est ma position avec ce Dieu? Ceux-ci servaient le même Dieu que moi. Donc, s'il passe par les mêmes difficultés, il va me faire la même chose comme il a fait. À une condition, que j'ai la foi que celui-là avait. Voilà la condition. C'est-à-dire que je tiens ferme comme celui-là en tant que tenu. Question. Si je suis dans le feu aujourd'hui, puis-je appeler Dieu et je sois dans le feu, mon vêtement ne brûle pas? C'est que tu vas regarder comme ça que Frère Junior attend d'abord, quand ça va brûler, il veut fuir, il veut aller à la distance, toi aussi, ça ne va pas te brûler. Parce qu'en réalité, ceux qui étaient comme ça ont tenu ferme devant le nom de Dieu. On a dit, mettez le genou par terre, on a dit, zéro, ne mettez pas. Même si on doit brûler, qu'on brûle. C'est jusqu'à ce niveau-ci. C'est-à-dire que, aller chez le marabout, sinon tu vas mourir. Ah, la santé en est dégradée. Aller chez le marabout, sinon tu vas mourir, la santé en est dégradée. Si je dois mourir, si Dieu veut que je glorifie ces maladies-ci, que la terre et les cieux retiennent que j'ai refusé d'aller chez le marabout pour guérir et je suis mort en son nom. Amen. C'est ça l'homme qui sont. C'est jusqu'à ce niveau-ci que Dieu va te glorifier. Ah, ouais, cela. Donc tu peux mourir martyr au nom du Seigneur Jésus Christ dans la mort, dans la maladie. Amen. Vous voyez cela? Je vous pose la question. On vous dit, n'allez pas au village. Si tu ne pars pas au village, là tu vas mourir. Et que tu fais, oh, la mort quand même est partie. Yeah. on vient. Tu écris, amen, ma chérie, marabout, c'est fort. Parce que ma voix ne sort plus. Et tu passes chez le marabout, effectivement, la main de Satan est ôtée. Tu rentres à rentrant, tu fais la salade, tu meurs. À quoi servais-tu d'aller chez le marabout? La maladie là peut être ratée, c'est le baisse qui t'écrase, pas vrai? Amen. Quand le baisse qui va t'écraser, ton âme se trouve haut. Dis à ton voisin, tiens, fais. Parce que quand nous disons la vie comme ça, on dit que non, non, non, non, les gars là, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Attendez que vous soyez positionné à l'endroit où il faudra, où il faut le régner, mais le rejeter. Et la promesse dans Saint Matthieu, chapitre 10 là, que celui qui me régnera devant le Père, devant les hommes, je le régnerai devant le Père. Je ne dois pas te connaître. Non, ne crois pas que tu vas dire que, oh Seigneur, après quand le Père vient faire, boum, oublie. Oublie ce jour-là, il va dire que je ne le connais pas, il passe par là-bas, passe par là-bas dans le feu. Le feu où tu fuyais ici, là-bas, là, c'est ici grave. Ici, là-bas, on ne teigne pas, même si vous mettez n'importe quel, tous les congélateurs du monde, ça ne peut pas glacer là-bas. Vous comprenez ça, frère? Donc, dis à ton voisin encore, tiens ferme. Tiens ferme. En quelles que soient les difficultés, tiens ferme. Fais confiance au Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, votre confiance ne peut pas être toute bâtie sans qu'on le, tant qu'on ne rencontre pas ces événements-ci comme ça dans la Bible. Il faut que vous lisiez la Bible pour qu'on. Abednego, il s'est rencontré comme ça, là, il a exécuté devant le président de la République. Il lui a dit que, on a dit qu'on multiplie le feu, on a mis à l'intérieur. Après, tu t'arrêtes là-bas. Si ça avait été moi, pose-toi toujours la question. Ça avait été moi. Comment pourrais-je me réagir? Réagir à cet événement. Si je suis dans le lieu de service, on dit que si c'est carnet, alors qu'il sait que c'est la fraude, est-ce que je suis prêt à dire non? Même s'il faut qu'on me mette dehors. Mmh. Regardez quelqu'un dans les yeux, regardez quelqu'un, dis vraiment vrai. Si vous regardez pas faire comme ça, là, tu vas regarder son visage. Parce qu'en réalité, vous lisez dans la Bible, vous voyez que c'est un grand cas. Ça, c'est la dimension d'Abednego ici. Dans ton petit monde, dans ton petit niveau. Est-ce que tu glorifies Dieu avec le niveau de persécution que tu as à ce niveau-là? Là et là, question. Est-ce que tu ne te compromets pas? Parce que tu vas dire qu'il veut comme ça, il le soit, il dit Seigneur, pardonne-moi, tu sais que c'est difficile. Si je veux qu'on devait vivre encore, comment? Alors la question que je te pose, c'est que si on te transporte, on te donne plutôt la dimension d'Abednego. Si cette petite dimension-là, tu refuses, qu'aurais-tu fait là-bas? Qu'aurais-tu fait? Si tu avais été devant les gens qui devaient crucifier, on a posé la question clairement. Qu'on rejette, on laisse Jésus, qu'on laisse Barnabas. Les gens disent que non, non, non, non, non. Barnabas. Celui-ci dit trop les vérités, il a pu juger les gens. On a laissé le bandit, on a crucifié celui qui est le juste et l'innocent. Ça veut dire que chaque fois quand il y a une position, de prendre position pour la vérité, ou bien rejeter le mensonge, si tu dis, tu fraudes ici, on fait le revient, on te place devant Pilate, tu vas prendre la partie de Barnabas, parce que c'est la voie de la perdition. Vous mesurez bien ceci. Vous suivez ça, frère? Donc la position que tu as maintenant vis-à-vis de la parole de Dieu, quand tu es dans ta position de confrontation avec la vérité, chaque personne aura sa position. Vous arrivez à un niveau de vous allez être confronté à la fraude. Le ciel est à côté de toi. Les buts rouges sont prêts. On te guette sur la terre comme ça. C'est comme ça que le pasteur Junior il est là. Non. Est-ce qu'il peut même voir comme Élisée les attendre deux temps? Non. Comme ça. Après tu fais comme ça, tu rentres et dis que Seigneur, tu sais que si tu fais comme ça, les enfants vont aller à toi comment? C'est toi qui as fait venir les enfants sur la terre. Hein? Donc tu n'as plus de projet, ces enfants-là, plus que Dieu. C'est ça, non? Après tu dis à Dieu, tu lui donnes les informations, toi-même tu sais que je souffre trop. Donc il ne savait pas. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que ce sont ces choses qu'il faut qu'on ait. On n'a pas des relations avec le Seigneur parce que dans nos petits tests, quand nous avons, nous tombons. Petits tests, nous tombons. Et donc, lorsque les moments de difficulté arrivent, donc, nous l'invoquons, il n'est pas avec nous. Parce que, merci Père, hein, merci. Allons-y, venez ici, venez. Ésaïe chapitre 59. Allons-y, là. Ésaïe 59. Nous voilà, nous sommes partis pour la prière. Nous voilà qui est en train de balancer partout. Ésaïe 59. Écoutez très attentivement maintenant. Et que ça cesse sur vos cœurs comme un burin de fer ce soir. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc si on invoque, il ne sauve pas. Ne dites pas que Dieu ne sauve pas. Il veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui crée le blocage. Il y a quelque chose qui m'empêche de venir. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ils sont heureux trop durs pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ceci devait donner le chef de souhait fort à toute personne qui prie et sans avoir la réponse. Dans Lamentations chapitre 3, verset 36, la Bible déclare que pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc je dis, ah, pourquoi t'es chargé? Il dit, ne pose pas la question pour pourquoi. Pose la question sur toi, mais toi-même tu vis bien. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi tes personnes et moi, pourquoi les gens sont dans les accidents? Pourquoi toi-même tu n'es pas mort? Tu penses que tu es plus mieux que eux? C'est ce que la Bible te pose comme question. Tu vois ça, frère? Maintenant, verset 3. Car vos mains sont souillées des sangs. Quand il lit ça, il pose la question. Comment est-ce que ma main est souillée des sangs? Non, mais imagine, tu n'as jamais tué. Et le Saint-Esprit vient au-devant de toi, dit, tu travaillais dans un endroit de finances. Les finances étaient destinées pour les hôpitaux, pour acheter des soins médicaux pour les enfants. Tu as détourné ces fonds-ci, tu as fait ceci, les enfants-là sont morts comme ça. Le coupable, c'est toi. Toi qui croyais que tu n'as jamais tué, le Saint-Esprit ouvre ton bouche, tu vois que 40 personnes, le sang de 40 personnes sont sous ta main. Il dit, il faut qu'on prie que Dieu nous donne cette vision comme dans le premier point là, d'accord? Il faut que vous priez bien que Dieu vous donne les révélations par rapport à cela. Regardez, donc il dit, vos mains sont souillées de sang. Regardez, vos lèvres profèrent le mensonge. Voici un défi donc. Vérifie seulement, nous sommes dimanche jeudi. Depuis dimanche dernier jusqu'à maintenant, combien de fois as-tu menti? Dieu vient de donner quelques indices, des choses qui peuvent l'empêcher de répondre. Et quelque chose qui peut l'empêcher d'avancer vers nous, pas vrai? Et vos lèvres profèrent le mensonge. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Donc quand tu ouvres la bouche pour dire quelque chose dans une sentence, tu ne dis pas ce qui est droit. L'iniquité. Donc c'est quelque chose qui est contre la loi. Quand on parle de l'iniquité, on parle des choses qui sont anti-loi. Donc si tu dis quelque chose, c'est contre Dieu. Avancez ici. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines. Il dit des faussetés. Vous avez vu, non? Toutes ces choses qui sont ici, Dieu dit que c'est ça qui empêche. Parce qu'il a commencé par non. Sa main n'est pas courte pour sauver. Il veut dire que non. Le problème n'est pas de son côté. C'est nous qui créons des obstacles entre lui et nous. Vous avez vu ça, frère? Alors, verset 17, verset 11 et suivant. Regardez. Verset 11 et suivant. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Vous avez vu ça? Ah non, ça y est, délivre-moi. Et toi, tu as de mettre captif les autres personnes. Regardez, vous avez moi. Amen. Le salut est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Si on connaît, il faut les confesser. Vous avez vu ça, frère? Amen. Donc, première chose, diagnostic de nos vies. Et puis, si nous avons ce diagnostic-là, présentons-les au Seigneur. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Si j'arrive et me demande telle chose, je lui dis telle chose. C'est comme ça qu'un être humain, un chrétien, va nous le dire. Tu arrives de quoi? Tu dis que tu étais où? J'étais chez ma mère m'a retenu là-bas. Pourtant, il sait que c'est le mensonge. Après, il dit, oh Seigneur, je ne sais plus, tu m'as fait la promesse. Dieu dit, qui t'a fait la promesse? Et tu rêves ou quoi? Regardez, conçu et médité dans le cœur des paroles des mensonges. Et puis verset 4, et la délivrance s'est retirée et le salut se tient et la nuit. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui se loigne du mal est dépouillé. Voilà donc le témoignage qu'il y a en milieu des hommes. La question maintenant c'est, si nous nous trouvons dans cette société avec ce style de personnes, Nous collaborons avec ce type de personnes, nous touchons au quotidien ce style de personnalité. Quelle est notre position lorsque nous confrontons des choses qui sont contre la parole du Seigneur? Quelle est notre position? La question vous est posée. Vous devez répondre à cette question. Si j'avais été au temps de Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste prêchait, croirais-je à Jean-Baptiste? Oui. Ah, pourquoi les juifs ont tué Jésus? Je n'avais rien fait, vraiment. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui à la parole qui est écrite maintenant, après avoir crucifié? Voyant qu'on a crucifié, qu'est-ce que toi tu fais? Si au milieu de la vérité, tu prends le mensonge, ça se trouve que si tu avais été au temps de Jésus, tu crucifierais parce que c'est la voie du mensonge là-bas. Si on rentre au temps d'Élysée, comme ça, tu devais être parmi les militaires qui devaient aller tuer Élysée. C'est comme ça. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors pose encore la question à quelqu'un. Se tiendrais-tu contre les tentations? Prendras-tu la bonne position, la position de la vérité? Au prix de ta notoriété, de ton confort, de tes relations, de ton emploi, de ta maison. Vous savez cette question. Cette question, si vous allez avoir le test de cette épreuve, nous sommes de donner le cours. Le test arrive. Écoutez bien, mes chers amis, il faut que mes doigts vous touchent véritablement bien. Vous n'arrivez personne ici. le test arrive. Vous allez goûter cette parole-ci. Vous allez tester, d'accord? Amen. Vous dites Amen. Amen. Amen. Amen. Même si je ne dis pas Amen, c'est sur vous. Amen. Ah, j'ai oublié. Le test, c'est sur vous. Donc, chacun va tester ses paroles. Vous allez être confronté ensuite, vous allez faire le choix entre Dieu et le mensonge. Vous allez savoir de quoi il est question. D'accord? Amen. Exode chapitre 14. Amen. Exode. On avait noté ça, d'accord? Dès le départ, il comprend là-bas. Disons, c'est un prix. J'espère bien qu'il va me laisser prier. Ils arrivent On était sur les eaux, le gars est encore sur les eaux. Rends tu là-bas. Voilà ça qui arrive sur celui-là, comme ça. Exode 14. Exode, le chapitre 14. Exode, notre chapitre 14. Que Dieu, notre Père, vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ça me pousse encore à poser cette même question si je le pose. Parce que ce qui vient devant est difficile. Je pose la question. Chacun de vous maintenant commence à méditer. Si vous sortez d'ici et qu'il y a une situation où vous se compromettre, est-ce que vous êtes prêt à tenir ferme pour Dieu? Parce que c'est derrière ça que Dieu vous délivre. Quand il a dit, si je traverse dans le feu, je serai avec toi et le feu ne va pas te brûler. On a vu le cas d'Abel et Goshada. C'est pas que tu restes comme ça, la maison commence à brûler. Tu es dans, non, c'est pas ça la question. C'est le test qui concerne lui et son royaume. Lui-même, il a dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre, il s'en fout si ça brûle. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Donc, si tu es dans la maison, tu commences à parler de lui, on se dresse contre toi. Tu parles encore de Jésus-Christ, on ne perd plus l'école. Tu parles de Jésus-Christ, tu sors d'ici. Et tu sais que si tu sors, il n'y a personne ce que tu comptes. Est-ce que tu peux vraiment sortir comme si tu prends ton sac, tu dis je sors en marchant par la foi. Vous voulez que je vous raconte mon histoire, frère. J'ai dit j'ai dormi avec le sac, j'ai vu un sac rouge quelque part ici aujourd'hui. Un sac rouge, regardez ce sac-là. Quand il regarde c'est ça, quand il met c'est ça, ça m'a pensé parce que mon sang était rouge comme ça. J'avais mon gant de toilette à l'intérieur, ma brosse à l'intérieur. J'avais un petit jean comme ça. J'avais mon portable qui était comme le parfum, les anciens, le tchéling, le tchéling, Eric, Sony, Ericsson. Tchéling, tchéling, tchéling, il ne voulait jamais ce sonner-là. Tchéling, tchéling, tchéling, tchéling, tchéling, tchéling, tchéling. Même au campus, il laissait ça comme ça, le professeur lui-même me connaissait, il dit, comment vous êtes moqué de moi? Il dit, qui a ce parfum ici comme ça? Personne ne voulait ça. Mais, j'étais sur la voie de Dieu. J'étais sorti comme ça. Mon grand frère m'a appelé comme ça. Il dit que tu as choisi ton camp. Non? J'ai dit oui. Il était aussi calme quand je suis allé. Le jour où j'étais dormi. Il dit que j'ai dit oui. Il dit ok, reste avec ton camp. Je n'ai jamais médité pourquoi j'ai dit oui. Il me dit que pourquoi tu n'as jamais dit qu'on aurait me fait mal. Je n'ai jamais posé de questions parce qu'il était comme ça. Si tu veux me faire du mal, fais du mal. Chacun à son tour. Je me suis fait frère. Amen. Je suis comme ça, voilà. Je n'ai pas de père, ni de mère, ni de frère, ni d'endroit où je dors. Tu parles bien, mais ça va bien. Vous êtes dans une ville, en pleine université, vous êtes en proie au secte. Vous n'avez pas de soutien, pas de subsistance. Pas que tu sors comme ça, tu as 25 francs dans la poche, où tu dis, je vais quand même d'abord prendre la sucette ici, avant de regarder en haut dans le demain. Vous allez quand même pas dans une cité. J'ai prêché, une m'a trouvé là-bas, on a dit que dors ici. J'ai dormi là-bas, c'est devenu une habitude, j'ai dormi moi là-bas. Vous voyez ce dans le soir. La cité où la femme est venue, la main est draguée là. Bon, draguée moi. Toutes les chambres qui sont dans la cité là, j'ai dormi là-bas. Parce que j'ai dormi ici au début. Quand celui-là a ses amis, on dit que dors par ici, il dort là-bas. Donc j'ai parcouru tout là, la cité en dormant là-bas. Le jour que je viens là, tout est fermé, il dort sur le banc bien. Vous êtes prêts, frère hein? Vous êtes vraiment prêts? Vous êtes prêts? Mais quelqu'un vient vous prier comme ça, son dossier marche. Elle donne des témoignages. Et prier son dessin marche. Tu vois comme ça, tu dis Seigneur, les lames comme ça, tu chantes les chambres. Quand tu vas ouvrir, tu vas voir que tu n'as pas les chambres. Si les chambres n'apparaissent pas comme une génération spontanée, il a un processus où il te fait traverser. Ouais, ça n'est-ce pas? D'ailleurs, on se moque de lui. Même quand il est venu, quand elle s'est liée à moi, il y a les filles là, c'était dit. Quand le gars là, c'est celui qui l'a envoûté la fille là. Un pauvre gars comme ça, pas envoyé la fille là. Donc, c'est comme ça que j'étais. Mais là, pour ne pas effrayer les gens, ils restent comme ça. Parce que si à la barre, on reste quand quelqu'un en arrière, on va savoir comment le pasteur. C'est pas un avant. Si on s'assoit ici, moi aussi, on va savoir, on va regarder que le plus grand, on va savoir comment le pasteur ici. Soit c'est celui qui est le pasteur, soit c'est lui. C'est pas ça. Donc, quand vous me voyez, je ne riais pas. Mais je ne sais pas comment la femme s'est fait pour m'aimer. Parce qu'il n'y avait rien pour qu'une femme m'aime. Ici, elle m'a même déjà lavé. Vous voyez? Alors. Quand vous passez par des difficultés, il y a un enseignement que Dieu a de faire. Je suis à Douala, dans la ville de Douala. sans frère. Je suis content parce que j'ai une autre famille. Et le Seigneur dit dans la Bible que ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Si vous, qui suis-je? Et là, moi, c'est mon frère Junior. Prie pour moi. Frère Junior, prie pour moi. Vous savez où je suis passé? Que prie pour moi. Il y avait un autre là-bas, toujours à, pendant qu'il était à Raphaël là-bas. J'ai passé le temps à enseigner les gens en mathématiques. Enseigner, ils ne prenaient pas l'argent parce que j'ai du mal à enseigner quelque chose et prendre l'argent avec tout. Il enseigne les gens. Le jour-là, je suis allé prêcher, qui était fatigué. Lui, il s'appelle Bilet. Il vient, il me dit, j'entends par dehors, il dit, c'est parce que je ne suis pas Bamileke qui ne veut pas me donner le cours aujourd'hui. Le sommet est fini. Parce qu'il y a ici il y a une chose que je n'aime pas sur le tribalisme. Comme on a dit que tu es des. J'ai tenu une tolère face là. Je suis allé en plein barrière là où j'habitais là-bas chez mon ami là. Je lui ai dit, tu as ton grand frère, il est militaire, tu habites non? Oui. Tu as ta chambre. Quand tu rentres de l'école, tu as la nourriture, pas vrai? En partant, tu as 200 nourriture. Depuis que j'ai fréquenté, je ne suis jamais allé à l'école avec 27 ans, du coup, 27 ans, acheter le bonheur en allant. Tu prends la voiture, tu vas. J'ai parti, pour ceux qui connaissent comme ça, j'habitais au quartier 8 bis. Continue à passer, c'est bon. J'habitais au quartier 8 bis. L'axe lourd là-bas, au-dessus, là-bas, la commune. Donc, c'est dans les 15 km qu'il faut aller chaque matin et rentrer le soir à pied. Je fais comme ça, là, je ne demande rien à personne. Il ne mange pas, il ne boit pas. Il va à l'école, il reste comme ça. Avec les gens. On lit ensemble. Je suis premier d'accord. Il dit, oh, c'est sûr que. Je n'ai pas grandi dans les conditions adéquates pour pouvoir apprendre. Donc, s'il y avait quelqu'un qui devait avoir de l'échec dans la vie, c'est moi. Mais Dieu était derrière moi, depuis l'enfance. Alors, je me suis tourné vers ces garçons, il dit, ok, tu as tout ça, pas vrai, il dit oui. Il lui a expliqué donc mon problème. Il lui a dit que voici comment j'ai vécu. Il a expliqué un tiers de ma situation. Il dit, tu as bien saisi, oui. Il dit, tu as donc cela. Et si on me dit, si là où je ne pas dormir, c'est dit, sors. Comme je sors là, je ne sais pas où je vais dormir. Vous me suivez, frère? Quand il parlait au sessus, il me soutenait comme ça. Il est calé debout derrière la barrière comme ça. Hein? Pour lui, maintenant, c'est donc les gens souffrent ici dehors comme ça. Il est calé debout, il ne peut pas comprendre. Parce que les gens ne savent pas gérer les situations. Quand les gens voient comme ça, j'ai vu maintenant. Les personnes qui disaient à la cité que tu pars avec la fille, un jour, je suis passé à la maison comme ça. Maintenant, c'est qu'il est en train de la sorcellerie. Donc, tu es pauvre, on te cherche des problèmes. Tu as l'argent, on te cherche des problèmes. Quand j'étais seul comme ça, là, sans culotte, il me disait que tu peux avoir ces filles-là. Il va me lui donner quoi? Maintenant, j'ai la voiture, je la porte à droite. On dit que c'est celui qui est entré dans la sorcellerie. On pense que c'est la sorcellerie qu'on peut s'enrichir. Et même, j'ai même pas l'argent. Vous voyez comment je marche, le Seigneur donne au jour le jour ce qu'il faut. Pas vrai, frère? Amen. Alors, quand la Bible te dit quelque chose, vous devez vous y tenir ou bien respecter ce que Dieu dit. Dans ces moments de difficulté, tout était ouvert pour que je sois bandit. Dans ces moments de difficulté, tout était ouvert pour que j'entre dans les sectes. Dans ces moments de difficulté, tout était ouvert pour que je fasse n'importe quoi, qu'il devienne braqueur. Parce que j'ai dormi ici à Dakar dans le camion. Vous savez, vous allez à 8e. Vous allez à 8e, comme ça, à 8e. En face de l'autre côté, là-bas, il y a la station, c'était Total. C'était Shell à ce moment-là. C'était Shell. Il y a une roue qui monte au-dessus derrière, comme ça. Il y a des ventes emportées là-bas. Voilà. Il y a un endroit, en ce temps-là, on vendait, il y a un monsieur qui avait le camion d'huile. C'est ce style d'huile qu'on part, on fait comme le pétrole, on vend. Là-bas, j'ai dormi, quand je finissais les fêtes, je m'arrangeais avec dormir là-bas. Là, c'est pas là-bas chaque fois que je regarde. Mais enfin, j'ai dormi ici, j'ai dormi dans la voiture ici. Vous comprenez ça, frère? Donc, tout était parti, que je dorme dans n'importe où, que je devais n'importe quoi, mais Dieu m'a préservé. Vous suivez ça, frère? Ça, c'était mon école à moi. Donc, si vous dites, vous avez goûté ce frère, quand je prêche la parole, je raconte cette situation, c'est les situations qui me reviennent. Parce qu'au fur et à mesure, j'en ai vécu, avec mon petit âge. J'en ai vécu. Je ne parle pas de cas de fantômes où je travaille dans la nuit, je marche dans la nuit, il y a des gens à l'intérieur, ils marchent. C'est comme s'il n'avait plus de cœur. J'ai marché dans la nuit, je ne savais pas à quelle heure. Tout est calme. Vous allez en conscience, ce n'est pas les endroits où il y a les lumières. Je marche comme ça, où ça. Il y a les pistes où le maïs est plein. Elle s'est mise ici, le maïs est mis ici. Les branches de ça se touchent entre eux. Vous passez seulement dans le maïs, vous faites comme ça, vous traversez. Je fais comme ça, je traverse. D'abord, si on me tue, je n'ai pas à payer sur la tête. Je travaille comme ça, vous voyez, les gens passent dans le maïs. Il entend derrière moi, ah! Monsieur, je vais vous répondre. Il dit, mais tu n'as pas peur de quoi? C'est toi qui as peur d'aller dans le maïs. Donc, je n'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que Dieu me faisait passer comme ça pour une école. Il dit, je marchais comme ça, j'avais mon gant de toilette. Mon gant de toilette là-dedans. J'ai dormi sur le banc à l'université. J'ai bûché comme ça, les gens disent, tu ne pars pas à la maison. Tu bûches, je dis, non, il y a l'exercice. C'est l'exercice, déjà, je vais dormir là. J'ai fait ça finit, fait comme ça, fait. En plein essai là-bas, le sacre-col là-bas. Je bûche, les gens font. Les vagues qui vendent font, après ils partent. Je sors, ils vont tourner au stade, ils viennent. Le soir, ils viennent bûcher, après ils dorment sur le banc, comme s'ils bûchaient trop. Ils dorment. Le matin, grand matin, ils sortent avec la bosse, ils viennent bosser à l'eau, ils font un groupe, ils viennent tenir au campus. Dans le sac, il y a tout sort de trucs de l'école. Parce qu'il n'y a pas les cahiers pour les cours, il y a des cahiers de cours comme ça. Il n'y a pas de trucs de cours. Vous entendez ça, frère? Eh, hein. Continuons ici. Exode chapitre 14. Mon problème, c'est comme ça. Il y a finalement mon problème aujourd'hui comme ça, là. Exode 14. Donc, quand quelqu'un vient maintenant, tu as la seule grâce, tu as la grâce, hein. Tu as la grâce. Si vous allez au début, là, on va rencontrer, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait. Vous devez être de côté de ceux-là, tu fais mon cas avec ces garçons-ci. Quand elle a arrangé mes dames, elle m'a préparé les crevettes, je peux venir là derrière. Exode 14. Exode 14, vous êtes là. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Qui se détourne. Remarquez bien, je vous dis, quand il parle, vous croyez que c'est une chose de blague. Vous regardez Moïse ici. Moïse, au moins, lui, sa différence avec moi, c'est qu'il a vraiment vécu dans le luxe, avant d'aller dans le désert. 40 ans, devait lui suffire pour nettoyer d'abord savoir le luxe qu'il a dans lequel il a vécu. Donc 40 ans dans le désert, sa vraie vie commence dans le désert. Dans le désert, il invoque Dieu, Dieu ne répond pas. Il fait, il y a la promesse ici. Imagine ce qu'il a dû passer dans le désert. Et quand il a rencontré Dieu, l'envoie maintenant en Égypte pour faire cette chose. C'est la mission là. Quand il arrive maintenant là-haut, là, il y a la manifestation dans le désert où il n'y a plus rien maintenant. C'est là où quelqu'un se lève, Dathan, Corée et Babylone pour aller se confronter à lui. Or, ils n'ont pas eu d'espérance initiale. Mais ça, hein? Ils n'ont pas eu d'espérance initiale. Ils se confondent là-bas, ils disent que quand tu ne peux pas te lever dans le corps de Moïse, Dieu parle à tout le monde et c'est ok. Si Dieu t'a parlé dans le désert, il va te parler maintenant. Moïse a dit que si ces gens aussi, ceux qui sont avec l'Éternel viennent de mon côté, les gens sont séparés comme ça. Là. D'autres personnes sont restées parce que même si quelqu'un fait le chiisme, il a toujours allé à moins une personne. 250 personnes sont restées de côté. C'est-à-dire que si ces gens, ce que vous voyez, s'ils descendent dans la terre comme tous les autres vivants, c'est que l'Éternel parle de avant qu'ils les finissent, la terre ouvre le vent, les gens sont rentrés, la paix s'est refermée. Faites attention. Vous avez dit quelque part que c'est quand je viens de dire quelque chose, une fois, deux fois, ça arrive au nom du Seigneur, faites attention avec les déclarations de ces personnes. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent. Et qu'il campe devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Zéphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël. Dieu dit qu'allez de ce côté-ci. Voici Pharaon va dire. Dieu positionne ses enfants là où ils vont avoir les difficultés. Regardez. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le désert. Dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur des pharaons. C'est Dieu qui parle, mes frères. J'endurcirai le cœur des pharaons et il les poursuivra. Mais pharaons et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Amen. Dieu donne le renseignement ici à Moïse des 10 aux enfants d'Israël. Je veux que vous voyez la différence entre ça et ce qu'on va voir ce soir. La personne à qui Dieu a parlé, c'est Moïse. Mais il est censé déporter ces renseignements-là aux enfants d'Israël. Allez camper, camper, camper là-bas. Mais il a dit, dis-le que Pharaon va vous attaquer. Il va venir. C'est moi qui ai posé son cœur pour qu'il vienne vous attaquer. Le but pour lequel je veux que vous attaquiez, c'est lui qui devra vous faire éclater ma gloire. Dieu pouvait le faire envoyer dans le désert dans cette autre direction. Il pouvait fermer le chemin, créer, ouvrir la terre, ouvrir les anges entre nous, pour qu'il y ait un boulevard entre eux. Mais Dieu veut qu'il les poursuive. Je veux que vous voyez que Dieu nous servons là. Il peut admettre, créer même le problème dans le cœur des ennemis pour qu'il te poursuive. Pour que quelqu'un se lève, tu dis, mais dans mon bureau, si j'ai fait quoi à celui-ci, tu n'as rien fait. Dieu a voulu dans son cœur pour qu'il te haine. Ah oui, c'est pas lui qui a dit, j'en suis sûr que le pharaon il va vous poursuivre. Ça c'était pour Pharaon. Pour Moïse, son archétype était Pharaon. Pour toi, ça peut être ton collègue du bureau. Donc Dieu peut enlever le cœur de ton collègue. Tu viens le matin, tu dis bonjour. Et ça commence. Qu'est-ce qu'il y a comme deuxième personne? Tu n'as rien. Je t'ai fait quoi? Rien. Son cœur a été enlevé. Il va croire que c'est lui qui fait. Alors, à partir de maintenant, quand Pharaon va se lever, il dit que mince, les Israélites ne parlent même que quoi. Allez, amen. Mon Dieu, il croit que c'est lui qui a le fait, non? Et la Bible déclare que de l'autre côté, Dieu a donné l'enseignement que je vais enlever son cœur, il va faire ça. Vous voyez comment Dieu fonctionne, pas vrai, frère? Avançons, suivons-le maintenant. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ainsi. Vous avez vu? Donc, ils sont allés camper, effectivement, entre la mer dont il a parlé. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé. Qui change le cœur, frère? À l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Fermez ce rideau-là, c'est parce que vous défilez là-bas dedans. Le jeune n'a pas été tué, tu as fait jusqu'à 18 ans, ça n'a pas été laissé maintenant. Verset 8, l'Éternel, regardez bien, il prit 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait surtout des combattants. Vous avez vu ça, frère? L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. Vous suivez, frère? C'est le Dieu même Dieu que nous servons, non? Maintenant. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, depuis Haïrod, vis-à-vis des basses Tifon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Vous avez vu les êtres humains, non? Dieu leur a d'abord donné les renseignements. C'est moi qui vais en dessus auquel les pharaons pour qu'ils viennent. On leur a donné les renseignements que campez-vous aussi. Ils vont venir. Quand ils viennent, le vrai problème, c'est que lorsque les yeux et le cerveau ne sont pas synchronisés à la parole de Dieu, même si tu es n'importe comment, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas avoir les difficultés, tu vas crier. Or, pourtant, ils ont le renseignement. On a dit, l'Éternel parlait à Moïse et dit, dites aux enfants d'Israël. C'est pas ça, frère? On a dit, Dieu a induit le père des pharaons, il est effectivement sorti. On dit, quand ils ont levé les yeux, ils ont vu. Quand ils ont vu, le problème, c'est que ces gens ont levé les yeux, ils ont vu. Si on les avait aveuglés comme l'autre était aveuglé, il ne devait pas avoir de problème, pas vrai? Il devait commencer à continuer à marcher sans voir les difficultés. Donc, l'œil synchronisé avec le cerveau est un problème lorsqu'on est intellectuellement parlant. Vous suivez? Continuez ici. Regardez. Il dit à Moïse, n'y avait-tu pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener à mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Voilà les gens à qui Dieu a parlé que je vais faire ça, on va venir. Il veut poser la question à Moïse que non. Pas nous laisser, nous devons mourir quand hein? Vous voyez les êtres humains, non? Donc au milieu des chrétiens, on va trouver ces personnes comme ça. Que tu dis n'importe comment, je dis que non, frère, je viens te dire comme ça parce que tu as où dormir. S'il fait un réveil, on a sur le fil du frère Junior, on le met dans les mêmes conditions, il va fuir la foi. Il dit les mêmes conditions. Quand je parle avec aisance comme ça, on ne peut pas savoir ce qui est traversé. Il y a un cantique qui chante souvent ici, là, qui même si les souffrances du monde, c'est dans mes moments-là que ce cantique est venu sur mon cœur. J'attendrai avec patience la délivrance de mon Seigneur. Je chante comme ça, je suis sous la pluie, les morceaux sont devenus piqués, les gens sont en train de dormir, les tocs ne vont pas. Il chante, même si les souffrances. Et tu es tenu, d'après la Bible que tu lis là, de ne pas le haïr. C'est ça le vrai problème. Il se lève le matin, il dit, comment tu vas? Je vais très bien. Ce garçon, je dis, voici mon épouse, il est venu longtemps, un an après, il s'est prosterné là devant moi, il demande pardon en pleurant. Il s'est prosterné là-bas, il a dit, que chanter, dit, ma femme était tenue là. Il voit que ma femme a dit ce jour-là que non, c'est trop. Non, c'est pas ça, chérie. Que chose, il a t'a fait ça. Il dit que c'était petit, mais il ne donne pas. Il ne donne pas. Il me met les 100 francs qu'il ne donnait pas parce qu'il voulait te faire du mal. Parce qu'il ne sortait pas pour chercher le travail. Il ne sortait pas. Donc il marche comme ça. J'ai cherché le travail. Il y a des gens dehors qui ont cherché le travail. Ils voient une fois. Mais Dieu m'avait dit, reste comme ça. Alors il avait la haine sur le cœur contre moi. Il sortait par ici, il allait dire des choses de moi. Quand il revenait, j'étais sur le lit comme ça. Parce qu'il dormait toujours devant. Il veut travailler, il va là-bas. Quand il veut plus la nuit, il dit, Seigneur, je prie que tu protèges ma place ici comme ça. Chacun a son tour, je prie qu'il me protège. Parce que lui, il ne lit pas la Bible, il ne peut pas lire la Bible. Donc, je ne dois pas le protéger. La nuit, en tant que. Il faut que vous soyez Alléluia. Tu le vois, il tombe là-bas, il dit que. Il fait un peu pour avoir du répit. Avant un jour, mon épouse était assise là-bas, il est venu, il a dit pardon, je vais vous demander pardon. Arrête ça. Tu écris sur les autres, ça ne va pas. Alors il s'est mis à jeûner comme ça devant la famille, il dit pourquoi parce qu'il vous a fait trop mal, il dit non je sais, tu savais tout ça depuis un an, il dit non, pourquoi tu m'as parlé, il dit qu'on ne m'a pas donné l'ordre de parler, tu me hais, tu ne me fais pas du mal, c'est à toi même que tu fais du mal, sous l'homme du Seigneur, vous gardez quelqu'un dans le cœur, si vous venez de vous attacher, parce que le Seigneur a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, par conséquent, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, ne nous pardonnons pas aussi. Donc quand tu dis à quelqu'un que j'étais attaché, tu veux lui dire que Dieu, à partir de cet instant-là, aucun de tes péchés que tu commets, tu demandes pardon à Dieu, ne sera pardonné. Imaginez un peu cela. Je veux que vous gardiez bien cela à l'esprit. Donc Dieu m'a appris l'amour dès le départ, le pardon dès le départ. Alors Seigneur, alors tu me pardonnes, oui, je te pardonne. Le garçon là dont je parle, il est toujours dans la même chambre jusqu'aujourd'hui. Tout le monde est parti, la cité, comme on vient, c'était un parent change, il est toujours, alors, il est le gardien de la tradition. Même chose. Quand tout souvent, quand mon époux, on traverse, on parle des gars là-bas, il vient, mais ça va, il est toujours, même rideau. Même chant. Il chante seulement le lit. Un temps, tu vois le lit, il va comme ça. Mais c'est la même. Même chant. Faisons attention. vous ne savez pas à quoi le lendemain peut devenir. Quelque chose peut bouleverser sur la terre. Celui qui est en haut devient en bas, celui qui est en bas devient en haut. Mardoché, que l'histoire de Mardoché vous fasse quelque chose. Regardez quelqu'un qui était fort devant là-bas, qui passait, les gens commandaient. Il passait devant la porte, il méprisait quelqu'un. Demain, c'est celui-là que lui-même a porté encore pour dire que Mardoché, posez-vous devant Mardoché. Posez-vous devant Mardoché. Il a quand même fait, non? Puis il est allé là où il devait faire parler celui-là, on a pendu là-bas, pas vrai? Non seulement lui et même ses parents, pas vrai, frère? Et finalement, ce même type-là a repris sa maison, pas vrai, frère? Faisons attention, ne sait pas en quoi le lendemain peut libérer. Vous suivez? Je ne me plains pas. Parce que il y a une chose, c'est que si je n'ai pas d'argent, j'ai eu au moins la grâce d'avoir rencontré les mauvaises personnes que vous êtes. Les mauvaises personnes, ceux qui craignent Dieu. Parce que celle, c'est ma récompense et ma couronne quand j'irai au ciel. Remarquez bien dans Daniel chapitre 12, il dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles du ciel. Wow, wow, wow. Frère, c'est plus grave que chercher du travail ici. Vous savez ce que veut dire enseigner la justice? Ça veut dire que quelqu'un est allé comme ça en enfer. Tu dis, détourne-t'en, c'est ici la voie. Que la personne entre dans le salut. Ça, c'est la merveilleuse, le plus grand du travail qui puisse exister. Frère Junior, tu fais quoi maintenant? Tu es devenu quoi? Devenu, je suis prédicateur. En dehors de prédication, tu fais quoi? Je prêche toujours. Tu es quoi en dehors de ça? Je veux dire, tu fais quoi pour vivre? Comprends bien ta question. J'ai dit que je suis prédicateur. Il a dit que celui qui prêche vit de l'évangile, non? Donc je prêche ça, je vis. Tu m'as trouvé, je suis mort. Est-ce que je suis mon frère? Ben, si j'étais mort, il ne me posait pas la question, pas vrai? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut savoir si dans le monde, tu as quel statut où les gens te respectent. On cherche la notoriété humaine. Je ne cherche pas la notoriété sur la terre. Je cherche l'approbation du Père Céleste. Vous êtes là? Alors, on se tient, on se dit que, tu sais, connaître elle. À l'université, mes amis connaissent que je suis premier. Ils connaissent tout cela. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Toi qui es premier, comment tu es devenu? Écoutez très attentivement. En 2009, quand ils voulaient partir du pays, quand je suis parti avec le soldat qui rentre, mes bulletins sont là, mes carnets de l'université. Ils sont allés à l'université Nelson Mandela à Abuja, en plein Abuja, à Garagua, à quelques kilomètres de l'aéroport. Je suis arrivé à l'intérieur, j'ai déposé mes dossiers, c'est la demande de bourse. Écoutez très attentivement. J'ai prié mon épouse là parce qu'on m'était marié avant que je sois parti. J'ai déposé à l'université. Quand les gens ont vu mon bulletin, on sélectionne les meilleurs étudiants des différentes universités en Afrique. J'ai déposé, je suis rentré au Cameroun. On m'a envoyé les nouvelles que j'ai été sélectionné. C'est 2 ans de formation, c'est 24 millions. 1 an, c'est 12 millions de bourses. Je veux que vous compreniez bien ceci. Il dit bien combien, hein? 24 millions. Tout ce que tu as fait, c'est de venir là-bas. Parce qu'on devait nous former à enseigner à l'université dans un différents appareils qu'on venait de créer. Je devais aller suivre une formation au Canada, aux États-Unis, plus en Inde particulièrement. Quand on devait sortir, on devait travailler dans enseigner certaines choses dans la pathologie. Les gens, je veux vous expliquer seulement quelque chose pour que vous voyez comment, à la propos de toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme la peau. Alors, on m'a sélectionné. Je vais te chercher l'email. Je vais vous montrer l'email ici, avec tous les trucs qu'ils ont envoyés. Il dit, c'est 12 millions par an, donc c'est 2 ans de formation. 24 millions. Tu viens, tu habites là-bas, climatisé, tout, en fait, tout est là. Tout ce qu'on veut, c'est que on t'enseigne cet appareil ici pour que plus tard, tu vas enseigner dans les universités, tu es fraîche. Je vais enseigner à l'université, à Luanda, en fait, dans toute l'Afrique, partout par où je vais aller. Vous pouvez vous imaginer ceci. Je suis rentré, resté au pays, je prêchais l'évangile. On m'a appelé un de ces jours, on a appelé son professeur, mon épouse, que, are you Mr. Sharda? Yes. Your business, I want to see you in Nigeria. Il dit, ok, understood. J'ai raccroché le téléphone. Il dit, aussi vivant que Dieu est vivant, s'il veut que je parte au Nigeria, qu'il trouve bien l'argent. Vous suivez ça, hein? Aussi vivant, si Dieu est vivant et qu'il veut que j'y aille, qu'il me trouve le billet d'avion. Le billet d'avion, parce qu'il y avait une seule compagnie à ce moment-là, la compagnie de Nigeria, aux environs de 300 000 francs, le billet aller, parce qu'on devait payer seulement aller. On ne peut pas prendre le billet aller avec toi, c'est 2 ans. Alors, les gens ont envoyé le feu sur les choses qui bloquent les finances. Tout ce qui bloque les finances de Frère Junior. Que l'onction de Dieu brille au nom de Dieu, que 300 000 sort. J'étais calme, moi c'est mon épouse, Dieu est témoin. J'étais calme, pas perturbé, calme. Parce que je pouvais rester au Nigeria durant ce moment-là, attendre qu'on sorte de la route. Si on sortait au Nigeria, il débarquait seulement avec la voiture, aller là-bas. Je suis rentré au Cameroun. En allant au Cameroun, en allant au Nigeria, je suis allé par mer, arrivé prendre la voiture jusqu'à Abuja. Je suis rentré encore de la même façon. arrivé ici. Ils ont dit que je voyage plus par terre, par terre, ni par mer, je voyage par air. Parce qu'il a fait terre et mer. Il faut air. C'est pas ça, frère. Voilà. Les gens ont prêté de l'argent fatigué. Il fallait 300 000 fois pour acheter des billets. Pour que je parle. On a appelé, on ne fait jamais cela. On m'a envoyé des emails. Envoyé des emails fatigués. Ce sont les choses normalement que c'est sélectif. Ou un numéro, on dit que c'est trois personnes qu'on sélectionne en Afrique. On m'a sélectionné. Après, on met des gens sur la liste d'attente. On m'a sélectionné, on a appelé fatigué, ça m'a donné encore 30 jours. On a dit que après un mois, vous ne venez pas, on ne sera obligé de vous parce que les gens on a commencé le cours. 30 jours sont passés. Chaque jour que Dieu a créé, j'ai parté au Bénin, avec mon enfant, brrr, ils appellent. Zénabu, c'est ce qu'il avait arrêté les autres, non, les autres. Zénabu. Mais ça tient dans un commun. Yes, I'm coming. Still waiting for the flight ticket. Parce que le problème, c'est que si tu es attiré à l'aéroport, ils envoient l'avion. Quand tu captes ton vol, tu envoies la copie, ils envoient quelqu'un à l'aéroport pour prendre. Quand tu entres dans l'université, tu ne sors pas jusqu'à ce que c'est pour voyager. Voilà. Donc, ils vont m'attendre à l'aéroport. Alors, chaque jour, ils appellent. Chaque jour, ils appellent. Entre les gens, c'est battu, c'est pour chercher. Moi, j'étais calme. Oh frère, qu'est-ce que tu fais? On te touche 5 ans, mais tu prends, non? Il dit, je ne veux pas d'espoir. Enfin, si c'est plein 5 ans, mais je vais manger. Je vais prendre. Il dit que j'ai dit, je ne voyage pas par terre. Si Dieu veut que je parte à cette formation, qu'il me trouve le billet d'avion. Dieu est incapable de trouver le billet d'avion, frère. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur chez qui je prêchais, on était plus à l'étage comme ça, c'est un gars, c'est un battant. Il est allé voir même un de ses amis qui est comme ça, qui est commerçant partout, partout, le grand commerçant de Mbopi. Pourquoi on lui donne 300 euros? On n'a pas donné 300 euros. Vous savez quoi? Le 30e jour qui était l'état de victoire, ils m'ont appelé que le Havre. Donc nous sommes désolés. Ça sera la fin. Qu'est-ce qui est arrivé deux jours après? Il a eu 500 000. Pourquoi il a 500 000? Après peut-être deux mois. Quand la date de victoire est passée. Comment c'est 500 000? Il dit non. Pas parce que c'est pas dans le bilan. On a dit que c'est. Donc il pouvait avoir l'argent avant si Dieu avait vous volé. Et encore, ce qui est encore plus frappant, c'est que après quand ce scénario passe, je vais revenir. Quand ce scénario passe, je vais à Yaoundé, j'entends quelqu'un m'appelle, oui, c'est vous le pionnier, oui. On m'a dit que vous connaissez bien le Nigeria, vous avez été là, en plus vous êtes bilingue, oui. Je veux que tu m'accompagnes au Nigeria, moi je suis partant. Du moment où c'est pas moi qui paye les billets d'avion. Je suis venu à la fin, on m'a dit, pardon, accompagne-moi au Nigeria, ok, viens. Il a acheté mon billet d'avion, son billet d'avion. On est là au Nigeria, aller et retour. Vous comprenez ce que ça veut dire, frère? Donc, ça veut dire que si Dieu voulait, il faut dire. La personne ne connaissait pas parce que moi, j'étais dans le monde, je suis habillé comme ça, à comprendre au Nigeria. On est allé au Nigeria ensemble. Il a payé le hôtel, on vivait dans l'hôtel. Tout ça, on a payé le billet avant que rentrer, aller et tout. J'ai pas dépassé 5 francs. Donc, ça veut dire que si Dieu voulait qu'il aille au Nigeria, il pouvait aller au Nigeria. Donc, ça veut dire que c'est pas la voie de Dieu. Là. Il ne voulait pas qu'il parle de 24 millions. 24 millions sur le plan humain. Wow, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Ta vie coûte combien? Et ta vie là, tu as donné 24 millions que tu perds ta vie, tu vas apprendre. Toi, ta délivrance, tu peux payer combien à Dieu pour ça? La vérité, vous avez compris à chacun de vous là, combien vous pouvez payer à Dieu pour cela? Alors, je pose la question maintenant, revenez en arrière, s'il y avait assez de 24 millions, où serez-vous? Pas seulement vous, ceux du monde entier, qui sont dessus les enseignements, ils sont délivrés. Ces milliers de personnes là, ils seront où à cause de 24 millions? Ou bien à cause de la notoriété qu'on devait, on m'a entendu que, waouh, rien pour vous là-bas, parce que les bagages que Dieu a mis en moi, c'est tout là-dedans, c'est pas bon. Tout ce que Dieu a mis par rapport à l'école, c'est tout là-dedans. Ça reste qu'il a mis là-bas, c'est là-bas. Mais au-delà de cela, il y a ceci qui habite là-dedans, qui est plus merveilleux, qui me fait vibrer plus que toute chose. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes les trophées. Amen. Un peu comme si tu avais été formateur, il avait formé le professeur d'université et puis il avait sorti que le professeur de qui enseigne à l'université, c'est moi qui l'ai formé. Ça sera ma gloire. Maintenant, vous êtes les trophées. Vous voyez ça, frère? Donc, quand les gens viennent dire qu'est-ce que tu es devenu, je ne suis pas devenu quelque chose, je suis toujours aussi né comme ça. La seule chose à faire, c'est que les difficultés, on peut baisser. Et on peut plus rentrer dans ces difficultés, même si vous voulez n'importe quoi. C'est une difficulté. Exemple. Mon beau-père, comment il a oublié, parce que c'est le chapeau, il a remarqué. Alors, c'est exemple chapitre 14. Le chapeau, il a remarqué, il cherche quoi ici? Il a mis le chapeau du Cameroun, il n'a pas pris pour le Cameroun. Exemple chapitre 14. Ici. Vous avez moi, il raconte mon histoire, vous êtes là où participer quand ils sont au zéro. Remarquez bien. Vous avez suivi ce que les Juifs ont dit à Moïse. Il n'y a pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous enterres. Alors qu'ils ont eu les nouvelles. Au moins, ils ont eu les nouvelles que Dieu a dit que c'est la marche. Nous souffrons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas entendu la voix de Dieu. C'est parce que Dieu en a des pensées. Eux, ils avaient entendu. Et j'avais dit à certaines personnes que vos problèmes vont commencer lorsque Dieu a commencé à vous parler. Si vous parlez audiblement, il va souvent dire des choses que vous ne vous attendriez pas et des choses que vous ne mieux pas entendre. à ce moment-là, et quand il dit comme ça, tout le ciel a le regard désormais sur toi, et Satan aussi a le regard sur toi, qu'il ne désormais pas. Tape, tape. Dieu dit, tape-le. Il tape, tape, parce que tu n'as pas dit que le Seigneur accepte. Alors tu peux accepter le dé, la première fois, et ça résout le problème. Mais la chair va refuser. Vous, qui va entendre la voix de Dieu? Wow. Vous l'entendez la voix de Dieu? Amen. Supposons qu'il arrive là maintenant, et que le soir vous dormez, tu entends, Achille, quitte ton travail. Tu lui poses la question directement que. Et tes enfants vont vivre comment? Donc, mieux vous lisez la Bible parce qu'il n'y a pas un verset qui dit que quitte ton travail, telle personne. Parce que si, vous savez comment est-ce qu'il n'y a pas le nom comme ça là-bas? Oui, oui. Même si tu as le soir où le premier, oui, c'est moi. Oui. Là où j'étais, là où vous connaissez. Oui. Le gars, il m'a fait 18h16. Oui. Il pose avec sa soeur qui est. Ma super est lâchée. Oui. Après, il dit, Richard est là. Oui. Il dit, passe-moi Richard. Il dit, vraiment, Richard, je vais te dire la vérité. Il ne faut pas que je te cache les choses. Vraiment, on va devoir se mettre en stand-by. Et c'était le premier jour qu'on a fait le jeûne. Voilà. À 14h, j'ai mis mes genoux à terre. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je sois ici, mm-hmm. si c'est ma place, oui. maintiens-moi. Si ce n'est pas ma place, enlève-moi d'ici. Oui. Le soir à 18h, oui. il m'a appelé. Il me dit, oui. Applaudissons pour le Seigneur. Il met ses genoux par terre et dit que si c'est ma place, comme il me dit, si c'est pas ma place, on le fait. 14h, la réponse est là. Quand on appelle, ça t'a plu. Ça m'a pas surpris. Non, pas ça, pas ça le problème. Ça t'a plu. Ça m'a plu de l'appel. Mm-hmm. Non, l'appel. Tu t'es fâché contre lui. Je n'étais pas fâché. Tu as dit quoi à ta femme? Je suis, dès que je suis rentré, je lui ai dit que bon, ce que je t'avais dit, mm-hmm. que si ça arrive, ne sois pas surpris. Donc c'est terminé. Oui. Tu as été le prophète de ta propre vie. Donc merci. C'est pour ça qu'il dit souvent que je préfère souvent que. Souvent il reste contracté. Il voit que les bénédictions me déraillent. Quelqu'un dit Seigneur, j'ai plus frappe, c'est là, ça frappe. Quand tu viens vers moi, tu viens le matin, il dit Frère, je vais te voir. Il dit oui, à cette heure, mais c'est quoi? Il passe avant le moment de discuter. Il dit ah bon, attends d'abord. Il fait des choses d'abord, il t'embrouille, je t'embrouille, je t'embrouille. En sortant, tu sois sans me dire même sur quoi tu es venu. Tu ne sais pas qu'il sait au courant de ce qui c'est pas. Parce que c'est le meilleur moment de chercher Dieu. Sinon, tu vas sortir le grand matin, tu as prié. Non. Si, il y a des embouteillages, il faut qu'il veuille vite. Le soir, Dieu, je suis fatigué. Ah, Dieu dit ok, il n'y a pas de problème. Puisque c'est ça qui te crée l'embouteillage, c'est ça qui te crée mieux, il enlève. Comme ça, tu restes tout en. Peux-tu entendre le nom que c'est. Tu commences à chercher les psaumes. J'ai invoqué Dieu dans ma détresse, il m'a répondu Seigneur, c'est que tu vas me répondre, tu vas me répondre. Hein. Bon, disons ici, que Dieu te bénisse, d'accord. Bon. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Donc il y a des êtres humains qui sont résignés à souffrir. Ils préfèrent le souffrir là-dedans, même si la délivrance de Dieu va tarder. Ils préfèrent aller chez les marabouts, chercher un peu de quoi c'est s'en sortir de la situation maintenant, que de persévérer avec Dieu dans les difficultés qu'ils appellent difficultés, et en sortir bien épuré, nettoyé, sanctifié et perfectionné. Parce que c'est ça que le Seigneur fait. Souvenez-vous de Deutéronome chapitre 8. Souvenez-vous de Deutéronome chapitre 6 aussi. Il t'a fait passer par dans cet affreux désert durant 40 ans où ton soulier n'a pas été coupé, où ton vêtement ne s'est point usé. Il t'a fait souffrir de faim afin de t'humilier, d'humilier ton âme, afin que tu saches et que tu apprennes à comprendre que l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a fait, il a humilié pour cela. Vous avez vu ça, pas vrai, frère? Mais alors, il dit à Moïse qu'on t'avait dit en Égypte que laisse-nous tranquillement et c'est notre souffrance, notre dose de souffrance. Il y a des gens qui ont tellement souffert qu'ils sont habitués à la souffrance. Habitué à la souffrance, que quand tu viens l'enlever, tu donnes l'argent comme ça, tu dis sorcellerie. Pas vrai, frère? Mmh. Il y a même des gens que si tu viens lui donner l'argent, c'est son propre problème qui commence là-bas. Vous avez vu comment la porte est ouverte, non? Quelqu'un entre dit, il va voler quoi ici, là? Vous-même, dites-moi, il va voler quoi ici? Voilà mes bibles qui sont classées là-bas. Il vaut pour le témoin de Jéhovah, voilà le témoin de Jéhovah en face, il prend l'autre. Il va voler quoi ici? Vraiment, il va voler quoi ici? Mais, s'il y a un million quelque part, c'est qu'il fait, moi, je me rassurer qu'il ferme là. La porte, quand un frère entre, tu dis que ce frère-là est sérieux, pas vrai? Si vous rentrez là, tu n'as pas le sac de cette soeur-ci, elle sort, elle n'a pas l'argent, elle n'a pas marché comme ça. Là. Mais si elle a l'argent, elle met ça qui devant, elle met la main. Quand elle regarde, elle va dire, dans son pays, tu me vas pour toi. Quand elle fait comme ça, ça attire la personne, elle ne sait pas qu'elle a de dire, elle a donné l'information au bandit qu'il y a quelque chose. Parce que s'il y avait rien, tu ne protégerais pas. Quand tu as l'argent dans ta poche, chaque fois que tu marches, ta main se tourne comme ça. Là. Quand tu fais comme ça, que l'argent est là comme ça, tu dis, ton coffre est là, on lui fait, ah, c'est là. Mais tu n'as rien dans la poche, tu fais quoi? Tu cherches quelque chose dans la poche? L'argent est un problème avec le cœur humain. Avançons ici, frère. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Un combat où Dieu descend du ciel, il faut combattre les êtres humains sans voir comment les ennemis tombent. Fermez les Bibles. C'est de ça dont il est question maintenant. Il est question donc d'arriver à la dimension où on fait confiance à Dieu dans les situations et que quand l'ennemi vient, il tombe sous notre pouvoir. C'est ça dont c'est ce qu'il dit de le départ. Fermez dans les Bibles et classez. On va prier maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Elle est dans la prière, mon ami. C'est pas le moment. On va prier maintenant. Je ne sais pas si depuis ce soir vous avez compris quelque chose. C'est que le Seigneur voulait faire qu'on comprenne. Vous avez compris? Vous avez assimilé quelque chose? Dieu veut nous faire comprendre que, quelle que soit la difficulté que vous avez, et ce qui est visible et ce qui est invisible, il est au contrôle de cela. Les difficultés peuvent être ordonnées par lui pour tester notre foi. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous en aurez. Chacun de vous, et sans exception. Chacun a son niveau. C'est pour ça que vous dites que dans l'école de Dieu, chacun a son épreuve. On ne peut pas toucher pour quelqu'un. Dormez sur le même lit, chacun aura son épreuve. On va appuyer ton cou ici, dans l'autre rêve, on voulait enterrer plutôt quelqu'un. Alors, faisons attention maintenant, on va prier. Vous êtes prêts à prier? Se trouve-t-il dans votre famille des personnes qui ont appelé vos noms en disant que vous ne serez rien? Au moment-ci, là, maintenant, ils vont savoir que vous êtes quelqu'un. Se trouve-t-il dans votre famille des gens qui ont décidé que, quel qu'en soit ce qu'il en est, rien de bon ne chantera tout autour de toi? C'est ça le monde, on va te couvrir. D'accord? Vous êtes fatigué? Non, frère. Ou bien certaines personnes s'arrangent à couper d'abord le jeûne à 18 avant de venir? Non, frère. Maintenant, on coupe le jeûne avant de venir parce que on est seul. On ne sait jamais, le gars là, ça part Dieu toujours. Alors, l'une des choses donc, que ces gens-là font, c'est qu'ils accordent la nourriture dans le sommeil. Les gens mangent. Les nourritures nocturnes. D'autres subissent plutôt les couches de nuit. Ils injectent des poisons. D'accord? D'autres puissances donc qui exercent les couches de nuit. Avant, c'est comme ça. Toute puissance qui exerce les couches de nuit, qui tient les couches de nuit, qui t'empoisonne dans la nuit, que ça sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth, priez. On va commencer par là. C'est trois sujets encore, le même sujet. Puissance de poison dans ton système. Vous avez mangé en papouche de nuit, n'est-ce pas, par les nourritures nocturnes. Toute nourriture nocturne que vous avez mangée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son emprise soit brisée sur vos vies, priez. Esprit de couche de nuit, esprit de nourriture nocturne, poison de nuit. Priez. Si vous voulez, vous regardez, vous fermez les yeux, vous regardez comme le catholique, c'est votre problème. C'est chacun individuellement, il ne prie pas pour vous. Chacun prie pour sa part. Priez. Vous avez mangé la nourriture sale, venant des ténèbres dans votre corps. Que ça sorte au nom de Jésus-Christ. Priez, priez, priez. Prie, que son emprise soit brisée. Du Seigneur, que son emprise soit brisée. Prie. Que son emprise soit brisée. Allô? Que son emprise soit brisée au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Ouvre ta bouche et prie. Vous savez combien de fois vous avez mangé ça? Vous savez combien de fois vous avez eu ça? Que ça s'arrête maintenant. Vous êtes les fils et les filles du Très-Haut. Comment que ça quitte? Comment que ça quitte? Comment que ça quitte? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, commande que son emprise sur toi soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Viens là, amène-la ici. Que ça sorte, que son emprise sorte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence. Il ne tuera pas vous, vous allez prier. Il a dit que vous faites ton cas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment que son emprise soit brisée. Comment? Vous allez le voir à l'œuvre. Comment? Sors! Comment que ça sort? Si vous voulez rentrer avec, vous rentrez avec. Comment que ça sort au nom de Jésus? Ce sont les poisons qu'on a mis dans votre système. Ça vous tue à petit feu. Comment que ça sort? Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est avec vous. Il est sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Toutes ces choses que vous avez mangées dans l'obscurité, que vous dormez, on vous donne. C'est avec ça que le Saint-Esprit est traité maintenant. Les couches de nuit. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça sort. Commande. Au nom de Jésus de Nazareth, vous recevez cet élément libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Il connaît tout ce qui se fait dans ton système. Prie pour toi-même. Tous ces esprits qui vous oppressent, vous donnent les maladies dans la nuit, quel qu'en soit son nom, commande au nom de Jésus, vous avez le courage. Au nom de Jésus Nazareth. Commande sur toi. Tu vois ça? Au nom de Jésus Nazareth. Commande. Au nom de Jésus Nazareth. Toi, ma soeur Andéji, permets-moi que je t'impose les mains. Au nom de Jésus Nazareth. Dans ton ventre, au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors de son système, du poison dans ton système, dans ton corps, que tu as avalé dans les ténèbres. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Vous voyez cette femme qui sort, son système est abusé. Voilà un petit peu de poison. Au nom de Jésus Nazareth. Le nom de Jésus est puissant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Vous voyez son système est pollué. Sauf comment que ça sort tout simplement. Aujourd'hui, c'est vous qui allez prier pour vous-même. Vous marchez, vous dormez avec le démon. Vous marchez, vous dormez avec le démon. Vous dites que Dieu est venu tuer le démon. Prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie. La puissance de Dieu est disposée pour vous, mes chers frères. Vous avez la puissance dans le nom du Seigneur Jésus. Vous avez la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commande. Remets tout ce qui est dans ton système au nom de Jésus-Christ, ça sort. Sors. Au nom de Jésus-Christ, sors. Au nom de Jésus-Christ, sors de son système. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth. Sors de son système. Sors de son système. Au nom de Jésus. Tout ton poison qui a mis là son système. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Tout ça en fond de son système. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Sors! Nom de Jésus! Sors! Nom de Jésus Christ Nazareth! Comment? Sors de son système, sors de son système! Tout ce que vous avez mangé dans les ténèbres, au nom de Jésus Nazareth, que ça sort! Que ça sort au nom de Jésus Nazareth! Nom de Jésus Nazareth! Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors Sors là. Sors là, je n'ai acheté. Nom de Jésus-Nazareth. Nom de Jésus-Nazareth. Sors. Et je te commande, de Jésus-Christ, de Jean-Sarrête, je te commande, je te commande, sors de ton corps, sors de ton corps, au nom de Jésus-Christ, sors de ton corps, sors de ton corps. Sors de son corps, je te commande. Je t'ordonne, libère son corps. Toi, en Belgique, au nom de Jésus-Christ, permets-moi de toucher maintenant ta main. Sors! Sors d'elle maintenant! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Oui! Sors d'elle maintenant! Tu vois, c'est des chiens! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Prie! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Ouvre les yeux, mais là, tu vas ici! Toi, en Belgique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors, je t'attends! Libère son corps, libère! Celle-ci de la Belgique, c'est là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui te son corps. Sors. Tu n'as pas place dans son corps. Je te commande. Je t'ordonne. Où est-ce qu'il va aller dans le monde avec son corps? Sors. Tu n'as pas place dans son corps. Je te commande de libérer son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que tu sors. Sors de mes bras, au nom de Jésus. La soeur Belgique, mets ta main droite au niveau de ton cou, de ta nuque, c'est au niveau de ta nuque, ça se trouve là maintenant. Ta nuque, arrête seulement, et laisse-moi prier. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Mets la main seulement. Regarde, il y a quelqu'un ici au niveau de son cou là. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Sors tout! Maintiens seulement la main, ne t'inquiète pas. Maintiens la main, c'est pas sorti là. Au nom de Jésus Nazareth! Il faut que celle-ci, il y a quelque chose au niveau de sa nuque là-bas, celle qui est en Belgique là. Au nom de Jésus Nazareth! C'est pas croyant ça. Au nom de Jésus Nazareth! Sors! Ne lui parle pas, laisse, mets la main seulement, ça va que ça suit. Regarde ça. Au nom de Jésus Nazareth! Que ces choses sont. Vous rentrez en Dieu, il n'y a pas de problème. Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde-moi, regarde ça. Ça dans sa nuque, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut que ça s'y sorte. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde-moi ça. Waouh. Waouh. Quitte son cou maintenant. Vous voyez ça? Quitte ton cou maintenant. Ça touche ton ventre, ça touche ton ventre. Regarde, regarde ça. Voilà, maintiens la main là. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintiens la main juste. Maintiens la main. Au niveau de son dos maintenant. Tout droit, au dos. Voilà, là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça va me laisser se chercher. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, ma soeur, mets ta main là sur ton ventre. Toi en Belgique, mets la main sur ton ventre. Ta main droite sur ton ventre. Et reste tranquille maintenant. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Quitte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Priez. Quand vous n'avez pas encore coupé le jeu, vous avez peur, n'est-ce pas? Priez. Mais c'est simple, vous êtes là devant le cinéma, maintenant vous voyez. Sors d'elle. Toi, quitte ton ventre. Quitte ton ventre. C'est terrible. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle sans lui faire du mal. Sors d'elle sans lui faire du mal. Sors d'elle. Enlève la main. Sors d'elle sans lui faire du mal. Sors d'elle sans lui faire du mal. Sors maintenant. Maintenant, maintenant, sors. Sors. Lâche ton ventre maintenant. Elle est devenue votre aéroport. Sors, sors. Là, c'est la, le Roissy Charles de Gaulle. L'aéroport. Taxe à avion passé. Hé! Hey, sors! Sors! Sors de son vol! Sors de son vol! Sors, sors, sors dedans. Fais de vous voir. Allez, sors. Sors, sors. Sors. Ça, c'est le poison qui a pris du temps dans son corps. Ça a intégré son système. Regardez le sang. Regardez le sang là. Sors de maintenant. Vieille mère. Ici, comme ça, ça entre par les rapports sexuels illicites. Ça, c'est ça qui cause le discours. Aéroport de Joachim Charles de Gaulle. Ça, c'est Charles de Gaulle ici là. On va prendre le Boeing 737 de Kenya Airways. On chasse ça maintenant. Eh, sors! Regardez. Kenya Airways, sors! Ça, c'est Kenya Airways. Sors de son aéroport. Il n'a pas payé le droit. Pour n'avoir pas le droit d'être là-bas, c'est Christ qui a racheté. Achetez son ventre. Sors, sors. Regardez là. Sors. Kenya Airways, son avion est rouillé même, vous voyez. L'avion de Kenya Airways est rouillé. Sors d'elle. Là, c'est qui maintenant? C'est la Concorde. Sors! Comment celui-là? Quitte son ventre. Non, mais c'est pas croyable ça. Vous allez m'amener où ici? Sur cette terre-ci là. Sur cette terre-ci. Vous allez m'amener où? Amenez-vous. Quitte ton ventre. Pousse la tête comme ça, sinon elle va se bouffer la regarde. Je vais ça. Voilà. Mets là. Non. Là. Ici. Voilà. Quitte maintenant. Quitte. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc, Donc c'est le supermarché seulement dans son ventre comme ça. Les gens achètent, ils vendent là-bas, ils sortent pas de tout. Le chien, c'est parce qu'il a le fait, il a la tête. Ben, dis-moi, sors maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apporte-moi ça là-bas. Apporte. Qu'est-ce qui est casé ça dans son corazon? Apporte-moi ça là-bas. Sors. Ici maintenant, c'est une vieille maman. C'est une vieille mère qui se cache là-dedans. Tapote là-bas. Ta porte ici. Je ne sais pas quoi. Toi, viens, mais sors maintenant. Quitte ton corps. Maintiens. Donc, je quitte ton corps. Quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a des chiens qui ne mordent pas. Sors. Fais attention là, maintenant, ça va parler là. Sors. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ta porte. Là-bas, derrière son dos là. Voilà. Maintiens la main là-bas. Toi, viens, mais sors. Sors. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Que des sorties maintenant. C'est le moment. Sors. C'est là. Je. Tu commandes quoi? Reste tranquille, mets la main là-bas. Reste tranquille. Tu l'as commandé depuis là, c'est quoi? Reste tranquille, tu vois, c'est là. Ses reins sont attachés au point où, si vous voulez, vous pouvez voir l'autre ici là maintenant. C'est comme si quelqu'un qui est attaché, on a attaché la. Vous savez, quand on attache le chien ou bien un animal, parce que la ceinture ou bien le fil de fer entre dans sa chair. C'est comme ça, ses reins là. Regardez. Il faut détacher ça. Laisse son dos maintenant, laisse son dos. Faut détacher ça. Tu ne détaches pas l'autre aussi là. C'est parti pour Sarah fois deux maintenant. Lève-toi madame, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Quitte là-bas, quitte là, quitte là. Quitte là, toi aussi. Lâche pas. Vous prenez le carassé, vous êtes fatigué, vous quittez, vous allez venir un jour, personne ne rentrera. Sors, sors dedans, vomis ça. Hé hey. Sors, tout, tout, tout. Vous allez chercher le problème dehors, c'est ce matin que vous venez mettre. tu lui dis, viens nous voir avec son mari, d'accord? Tu m'as dit. Lâche-la. Lâche-la. C'est pour maintenant pas ici, non. Je te tue. C'est toi qui m'as amené ici aujourd'hui. Je te tue. Lâche-la. Qui avait dit ici qu'il devait travailler avec quelqu'un qui avait dit ici qu'il devait travailler? C'était qui? Non. C'était toi. Alors, pour le moment, tu précises que demain matin, même le tabou, il va se refroidir. Il y a qui de votre nom? Pasteur, comment tu baisses la tête sur moi? Tu es un pasteur, non? Viens. Il n'y a pas de pasteur sans la foi, n'est-ce pas? Tu as la foi? Viens. En fait, on fait qu'on va régler ce que tu es. Chasse-la. Assieds-toi, madame, assieds-toi. Waouh. N'oublie pas là. Ça va arriver. Il y a quelque chose. Ils sont venus ici. Ils m'ont menti. Donc, venez voir des téléphones pour vous mettre cela face à face. Donc depuis le temps de prier pour eux, après il dit, qu'est-ce qu'il y a de commun là? Depuis 3 jours, 4 jours, j'étais en train de les suivre. Il dit qu'ils sont venus, ils ont dit que je suis pas prêt. Pasteur, vas-y. La femme est ancienne. Tu regardes aussi, par le moment, il y a un problème. C'est là-bas. Tant la main là-bas. Attends, tu fais quoi? Dans la Calme-la, nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans ce livre, tu vas dire, non, Dieu, j'appelle ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Blague là-bas. Bon, toi-même, tu étais. On voulait te nommer ancien. On voulait te nommer ancien ou même vouloir te nommer ancien. Non. On ne veut pas te nommer ancien. Hein? Donc, okay, donc, ça veut dire que tu peux être. Si tu fais ça, on te nomme ancien. Comment t'as dit ? Même pas d'habillement, même pas de fraîcheur. On va voir. Pasteur, on a. Si personne ne coupe le jeûne ici ce soir, c'est que c'est à cause du pasteur, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Le frère Stéphane qui est là-bas, Steph qui est là-bas avec sa femme, il peut manger tranquillement. Nous voici ici, là, on est appelé, on est protégé. Ta soeur en Belgique, là, assieds-toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Waouh! Comment tu te sens? Amen. Comment tu te sens? Bien. Amen. Maintenant, vois seulement le pasteur ici là maintenant. Observe seulement ici là maintenant. Il a été supplié quelqu'un que pardon, ne tue plus ton mari. Regarde ici là, mieux. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Il parle en langue. Il fait quoi? Il prend l'influence. Il demande les doléances. Il dit s'il te plaît, demande, mais ne fais pas rater le. Ancien, il devait me dire comment on peut. Laisse. Ouais, les femmes, vous nettoyez ici en attendant. Nettoyez que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous regardez, ça c'est le sang. Ça c'est le sang mêlé avec le poison. Ça. Regardez ça. Ouais, le sang dedans, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Vous marchez avec ça, c'est avec le poison dans le système. Avec le poison dans le corps. Alors, on vous envoie des esprits, vous vomissez. Les substances dans lesquelles ils avaient mis dans votre corps sortent comme ça. Là. Vous ne connaissez pas quel est le poids de cette maladie qui est sur le corps. Vous marchez, vous avez. Celle-ci, elle a de maigrir, elle a juste un petit feu. Comme ça, elle ne sait pas d'où ça vient. Oh. En tout cas, moi, ici, moi, chez moi. Fais ce que vous voulez qu'on dorme, on dort. Tu pars où? Tu vas l'aider, c'est ton frère, c'est qu'un souffle, tout souffle ensemble. Tu es la fuite. Il n'y a pas de problème. Voilà, plus ça va plus, moi. Dis-le, vas-y. Pasteur, comment là-bas, on veut entendre ce que tu dis. C'est quoi? Toi, Olivier, au nom de Jésus-Christ, avance là-bas. Tu as le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu dis au pareil là-bas dehors que le nom de Jésus-Christ est puissant, non? Vas-y là-bas. Tu connais le nom de Jésus, non? Tu l'aimes? Avance. Et c'est vraiment combien les gens? Le Seigneur Jésus te demande de libérer ce corps. Libère ce corps aujourd'hui. Libère ce corps. Le Seigneur Jésus est le même aujourd'hui et demain. Libère ce corps. Que ce corps soit libéré. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Que ce corps soit libéré. Je te donne de libérer ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Vous allez voir ce que vous allez dire. Mais prends aussi Jésus. Libère ce corps. C'est ce qu'on vous attend. Au nom de Jésus, je te demande de libérer ce corps. Libère ce corps. Reste, tu viens. Libère ce corps. Libère ce corps. Je te demande de libérer ce corps. Hein, frère Steph? Oui, libère ce corps. Viens, non? Tu te caches seulement là-bas, derrière les plateaux. Libère ce corps. Avec Jackie. Libère ce corps. Je veux que tu aies fini. Ok. Que tu sois sûr. Libère ce corps. Amen. Que tu sois sûr. Libère ce corps. Parce que tu as assis, toi, non? Libère ce corps. Au nom de Jésus, libère ce corps. Pasteur, assieds-toi. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Où sont les enfants? Intéressez pour votre père. Vous savez, dis-moi, c'est pas nous, c'est qui dans là. Quand dans sa voix au carrefour, ça va sortir vers les salons au carrefour. Parle ici. Frère, j'ai d'action l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Donc, je ne sous-estime pas. Tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose sur toi. Quoi ça? Frère, j'ai d'action. Je veux juste que tu vas libérer ce corps aujourd'hui, Père de Père. Père de à toi j'attends, Père de Père de toi, je tourne les regards, Père. et de gloire agit aujourd'hui, Père de gloire. Père de gloire agit aujourd'hui, Père de gloire. Père de gloire, j'attends de toi, Père de gloire. Père de gloire, j'espère en toi, Père de gloire. Père de gloire, j'ai les yeux fixés sur toi, Père. Père de gloire, je te demande, Père. Père de gloire, dans ta main, Père de gloire. Que cette main soit, que cette main que je vois là, Père de gloire. Père de gloire, de toi j'attends, Père. Père de gloire, de toi j'attends, Père. Père de gloire, de toi j'espère, Père de gloire, que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Ça, c'est l'école que pratique. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. C'est l'école pratique. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Pasteur, veut que ça soit. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Faut la garder d'abord. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Judas, mets ta main, ton pied droit sur son pied là. Tu touches son genou. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Ne crains pas, tu as la victoire, d'accord? Ne regarde pas les... Que ce corps soit libéré au nom de Jésus. Observe, vous allez voir effectivement que quand tu prononces le nom libère de Jésus Christ. Attends, on est à l'école, d'accord? Ne crains pas. Ce qu'il y a, c'est que le beignet qui est là-bas, c'est pour nous. La vie qui est là-bas, c'est pour nous. Tu es ici chez toi. Elle est ici, c'est pas vrai? Amen. Il n'y a pas de problème. Je vais avoir le nom de Jésus Christ. Lorsque tu prononces là sans conviction, il n'y aura pas d'effet. Si tu prends le nom de Jésus-Christ parce que tu entends prononcer, il n'y aura pas d'effet. Avant que vous ne prononciez le nom de Jésus-Christ, il faut que ça sorte avec la foi dans le nom de ce Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'Acte chapitre 3, la Bible déclare que c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. Remarquez bien ce qu'il a dit dans ce verset 7. C'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont eu foi dans le nom de Jésus-Christ et son nom a fait l'effet. Donc ce n'est pas la prononciation du nom de Jésus-Christ qui a fait l'effet. Mais c'est pas la foi dans son nom. Parce que si tu as foi dans le nom de Jésus-Christ, vous voyez, il prie, il tend la main, il ne parle pas, mais ma bouche en train de parler ici à l'intérieur. Pas vrai? Vous voyez, quelqu'un n'est pas en train de me dire, il fait comme ça, la personne se retourne. Pourtant, il sort de parler, l'esprit qui est à l'intérieur de l'entendre. Mais vous, avec le reste physique, vous n'entendez pas. Donc là, la foi dans le nom de Jésus-Christ, quand tu as la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ai expliqué ça, vous touchez à ces murs-ci maintenant. Ça, ceci peut parler et combattre. Vous voyez ce que je venais de dire, n'est-ce pas? Ok, regardez bien. On dit les mouchoirs qui avaient touché Paul allaient, ça chassait les démons. Donc, on imposait le mouchoir sur quelqu'un, le mouchoir disait, je te commande de sortir. Mm-hmm. Vous voyez ça, frère? Donc, hop, le mouchoir avait touché Paul. On va remettre ce terrain. J'ai ça. Le mouchoir a dit, je te commande de sortir. Pourquoi? Parce que lorsque ça a touché et entré en contact avec la foi dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui vit parle au nom de Jésus. Tout ce qui est mort reprend vie. Donc, ce n'est pas la prononciation dans le nom de Jésus-Christ qui cause problème. C'est la foi dans le nom de Jésus. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, après les mots de tête commencent. Parce qu'il a des prononcés, il croit qu'en répétant le nom de Jésus-Christ, ça va finir par marcher. Pourtant, regardez bien. Regardez par exemple. Ici, on peut l'allumer. C'est-à-dire quand il dit l'allumer, ça suppose qu'il est comme ça. Donc, c'est comme ça. Vous faites l'allumette comme ça, vous mettez sur lui, ça prend le feu. Avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme ça, sans parler, regardez bien, il est allumé. Observez comme là, il est allumé sur son bras. Ça, c'est le christianisme pratique ici. Ce n'est pas des pages, j'ai la queue en haut, je ne suis pas en haut, je ne suis pas en bas, je ne suis pas en bas, j'ai posé 10 000 maisons. Et tu sors, tu n'as pas la maison. Observez seulement. Remarquez, je l'ai touché, il l'a touché. Et je lui ai dit, touche seulement son nom. Est-ce qu'il a prononcé le nom de Jésus? Est-ce que j'ai prononcé le nom de Jésus? Mais là où je suis en train de prononcer le nom de Jésus, dans l'esprit, j'ai prononcé le nom de Jésus plus que je ne prononcé, que vous entendiez. C'est si vous ne pouvez pas apprendre cela. Toi, plutôt essayer avec ton sang, c'est même qui ça ici. Tu veux aveugler. Donc, ici, vous ne pouvez pas apprendre ça, vous ne pouvez pas donner la cour de théologie ici. Que quand vous voyez des mots, observez, il dit bien, voir la main sur son dos, observez seulement. Le nom de Jésus que je suis en train de prononcer. Sans que vous l'entendiez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, observez là-dedans, observez là-bas, pas moi, observez. Moi, je parlerai par là, observez. Là maintenant, toutes ses forces sont brisées. Là, à l'instant, c'est tout. Donc, ce qu'elle fait maintenant, c'est des soubresauts. Vous savez, quand vous coupez la tête du corps, si vous le laissez comme ça, la tête coupée, le corps coupe. À moins, on a coupé ma tête. À moins, on a coupé ma tête. Ma tête est rose. Alors que sa tête était partie. Observez, observez. Touche au niveau de l'épaule. Là. Touche, touche, la main, la main, la main. Vous avez vu? Est-ce qu'on a prononcé un nom? Alors, je pose la question, qu'est-ce qu'elle a laissé passer? Celui-ci est dans le fil conducteur. Il y a un point A, vers là où le courant arrive. Vous prenez un fil que vous pouvez toucher n'importe comment. Dès que vous mettez ce fil conducteur, cette extrémité sur un endroit qui conduit le courant, vous mettez cette autre extrémité là-bas, le courant passe là-bas. Vous voyez, c'est tout ça que je dis, n'est-ce pas? L'idée est que si on peut brancher le courant n'importe quoi sur lui maintenant, et ça passe. Vous pouvez apprendre ça à l'école de théologie. Allez apprendre donc. Fais ce que je fais. Fais, continue. Ne crains pas, ne crains pas. Tu es un homme, pas vrai? Ne crains pas, fais ce que je fais. Le bonnet, il est allumé maintenant. C'est il est allumé. Mais c'est pas la même. Mais c'est pas la même. Vous avez vu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alors maintenant, qu'est-ce qui a laissé passer là maintenant? Là, là, c'est le soubresaut. Là, et si vous dites au nom de Jésus Nazareth, il va te regarder comme ça, là, que le nom de Jésus Nazareth va boire avant de revenir. Regardez maintenant, regardez. Maintenant, arrête là seulement, observez. Ça partie de lui que je vais la toucher maintenant, observez. Regardez ça, regardez. C'est elle qui semble lui taper comme ça. Regardez. Vous avez vu ça? C'est elle qui s'en est attachée là. Regardez. C'est elle ici. Regardez. Ça, c'est elle qui touche. Maintenant, comment vous allez apprendre le sens ici? C'est elle. Au nom de Jésus. Lâche-la. Alléluia. Donc, même Judas est emprisonné. Judas veut fuir, mais non, vous battez, il n'y a pas moyen. Et tu vas te délivrer. Lâche-le maintenant, doucement. Lâche-le maintenant. Lâche ta main. Voilà, lâche. Quitte maintenant, frère Judas. Hé, lâche ta main. Lâche ta main. On dit que c'est le frère Judas qui va être assis, mais là, il faut être délivré. Ne bagarre pas. Voilà, lâche ça. Reste maintenant à distance. Alors, c'est pas possible. Donc, tout à l'heure, quand vous allez donner le bruit, faites l'effort de lui donner trois bols de bruit. Il y en a assez, n'est-ce pas? Même quatre. Tu vas travailler, tu avais dit que tu voulais travailler, n'est-ce pas? Tends ta main droite. C'est vrai. Tu ne parles pas d'accord? Allez, pose sur ton pied ici. Tends la main droite. Vous avez entendu dans votre Bible, lève le bâton. Vous avez entendu cela? Lève le bâton. Quel est le rapport entre lever le bâton et le fait que la mer s'ouvre? Je vais vous expliquer. Tends la main. Observez. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, maintenant. Si je peux qualifier ceci, c'est comme les tuyaux des pompiers qui pulvérisent l'eau là. Ici, quand il fait comme ça, c'est qu'elle est ressortie là-bas. C'est le feu qu'elle est ressortie. Mais maintenant, observez, regardez cela. Regardez. Alors ici, il n'a pas besoin de bagarre parce que le combat est spirituel. Si il fait comme ça, c'est le frère, je l'avais regardé ici. Ça fait longtemps qu'il fait le sport. Je pars comme ça. Observez, comme ça. Quand quelqu'un est sous cette tension-ci, avec n'importe quoi, vous pouvez combattre, n'importe quoi. Comme elle touche la chaise ou bien le sol, vous faites bam au sol, le sol commence à combattre. Donc si elle met le pied quelque part, on n'a pas besoin de dire le feu de Dieu. Vous touchez le sol commence à combattre. Vous suivez ça, frère? Vous savez. Regardez. Alors vous dites donc que on commence à 16h, on finit à 20h. Vous pouvez finir comme ça. Vous êtes quand c'est quand on finit, cette personne ne peut pas commencer sa part, non? Vous allez donc faire comment programmer le culte alors? Comment au moins vous pouvez faire pour programmer le culte qu'on commence à telle heure, finit à telle heure? Comment on peut faire ça? Ta mère a fait d'un frère. Observez maintenant. Vous voyez ça, hein? Vous regardez les mains, vous allez voir la main. Mais il dit que observez au-delà de ce que sa main fait, de ce que sa main est tendue et de ce que la réaction. Tends la main. Dis maintenant avec la bouche, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, le nom de Jésus-Christ en réalité produit le feu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure là, que les pentecôtistes disent certaines choses qui sont vraies, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas justement. En tant que chrétien, vous n'avez pas besoin de dire que je t'envoie le feu pour que le feu vienne. Parce que prononcer le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus, notre Seigneur, prononcer ce qu'on appelle en anglais genuinely, c'est-à-dire que prononcer par le Saint-Esprit, propulse à l'égard de l'ennemi l'arme correspondante. Vous me suivez? Il y a des endroits où vous dites, quand vous dites le feu de Dieu, quand vous dites feu de Dieu, et que ici ce sera l'eau qui devrait combattre, vous ferez quoi? Je ne sais pas comment on peut faire pour apprendre ces choses aux gens. Vous dites le feu de Dieu. Quand un esprit est dans un corps et qu'il est feu, ça veut dire qu'il y a des esprits qui ont fait le feu. Comment vous allez brûler le feu avec le feu? Ce type d'esprit, c'est l'eau qui est son problème. C'est l'eau qui est celui qui peut le combattre. Vous suivez ce que j'en ai dit? Tends la main. Bien, comme ça. Tu parles pas, on est en prison là-bas, il ne dit plus rien. Tu veux l'aider, tu restes là-bas, nous on voit la bouillie ici. Tends la main maintenant. Tends la main. Baisse ta main. Tu prends un peu les airs. Ouais, baisse, lâche. C'est un peu fatigué, ce soir. Maintenant, tends maintenant. Alors, on fait comme ça pendant une heure. Tu veux rester derrière, tu bouges les pieds, on s'appelle non, frère Junior. Frère Junior, courage. Toi, maintenant, tu vois comment ça fait. Maintenant, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore. Au nom de Jésus. Mais est-ce que je peux prononcer ce nom-là sans qu'on entende? Ce que personne n'entend, même toi tu n'entends pas, tu prononces. Donc tu prononces juste ce que toi-même tu n'entends pas, tu prononces. Tu peux arriver à prononcer. Tu as combien d'argent sur toi? 5 000. Comment tu sais que tu as 5 000? Tu as mis là-bas. Est-ce que tu peux savoir que tu as 5 000 sans que je ne prononce? Pendant que tu as des pensées, tu penses à quoi? Tu vois, dites-moi les 5 000, non? Si c'était 2 000 et 2 000 avec 1 demi, tu sais exactement pas vrai. Dans cet état-là, c'est là-bas qu'on prononce le nom de Jésus, sans parler. Donc, pas. Ça, c'est la prononciation. Tu prononces sans que la bouche ne s'ouvre. Alors, ça se trouve ici, donc, le point c'est ici. La bouche là, c'est ici. Les yeux là, c'est ici. Vous voyez ce que je dis? Donc, prononce ici, pas ici. Vous allez bien, vous? Continuez à prononcer. Le plat, ça tourne plus fort. Et toi, ne babate pas là-bas. Ne babate pas, ne vous mets pas ta bouche. Quand tu décides, tu ne babates pas ta bouche. Attends, tu vas la bouille, entre dans ta bouche. Quand tu as dit que tu viens chasser de moi, si tu es resté là debout, tu disais que s'il te plaît, tu sais qu'on est ensemble. Tends la main, ta main s'est baissée. Dans la main. Baisse le plan. Alors, frère, qu'est-ce qu'il a fait? Non, assieds-toi à ta place, mon cher. C'est un danger, donc, d'aller prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ sans être en alliance avec lui. C'est un danger d'aller prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ sans qu'il ne te connaisse comme quelqu'un à qui l'autorité a été donnée de prononcer son nom. C'est un danger de prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ en vivant dans l'iniquité. C'est un danger de prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ sans croire en l'effet et la grandeur de ce nom. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui donne le secours. Remarquez bien que vous qui avez rêvé, quand vous êtes en danger, à l'instant vous avez dit au nom de Jésus-Christ, ça règle le problème à cet instant-là. Ah vrai? Dans le rêve, imaginez, dans le rêve, quand vous dites au nom de Jésus-Christ, même s'il y avait n'importe quel style d'ennemi contre vous, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dispersés. Là, le problème c'est, comment tu parles à prononcer le nom de Seigneur Christ dans l'esprit? Tu vois l'effet, mais sur le plan physique, tu ne vois pas l'effet. Parce qu'en réalité, les effets négatifs physiques dominent sur notre foi. Et lorsque vous êtes dans le sommeil, l'état des sommeils, la chair ne fonctionne pas dans l'état des sommeils. Alors c'est votre esprit qui fonctionne. Et par conséquent, ça peut être en accord avec le nom du Seigneur Jésus. Il y a des choses qu'il faut qu'on enseigne. Je ne sais pas comment on va faire cela. Donc, le nom de Jésus, prononcé par le Saint-Esprit agissant dans un croyant, est imbattable. C'est-à-dire, quelqu'un prend le couteau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te tournes, la personne cale en l'air. Pourtant, vous ne voyez pas ce qui peut empêcher la personne physiquement. Parce qu'en réalité, la personne n'agit pas avec la chair. Il y a un esprit à l'intérieur qui a des commandités que la personne fasse ces choses. Alors, lorsque cet esprit-là est lié, la personne reste debout comme ça par toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous savez chanter ce cantique, le nom de Jésus est. Vous savez chanter ça, hein? Mmh. Chantons donc. Le Jésus est si doux que Dieu désarma le courroux. Tu nous appelles au rang de vous, précieusement de Jésus. Jésus, béni soit son nom. Ça va arrêter. Vous voyez que même si c'est le chant du nom, vous ne connaissez pas. Même le chant qu'on vous apprend, que vous avez dans le livre, même ça, vous ne connaissez pas. Donc vous n'êtes pas accoutumé au nom du Seigneur Jésus. C'est un peu comme un militaire ira en guerre avec les bombes. Vous savez très bien que vous sortez les grenades, vous lancez comme ça. Si les personnes sont en groupe, ça fait boum. Vous avez les grenades à l'intérieur de vous, les bombes à l'intérieur de vous. Quand vous voyez l'ennemi, le commandant, l'ennemi est ici. Commandant. Voici l'ennemi ici. Et tu as les bombes sur toi. Le nom de Jésus. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse au moins une série de 2 ou 3 mois pour enseigner seulement sur le nom de Jésus. Je vous le dis. Le nom de Jésus, c'est pas un si doux. Vous connaissez, c'est le slow chrétien. J'entends le mot. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des amants, le courroux. C'est quoi le Dieu des amants, le courroux? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Que le Dieu des amants, le courroux. Qu'est-ce que ça veut dire? On chante ce mot. Comment? Dieu des amants, le courroux. Ce nom-là, ça veut dire que même s'il y a n'importe quelle colère, ça apaise cela. Les femmes partageaient des bouillons aux gens, dis donc. Qui n'a pas là-bas? Ne savez pas le pasteur. Le pasteur a souillé l'église. Non, ça ne va pas. Si tu veux, ça va, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça Salut d'abord, qu'est-ce que ça c'est pas d'assez, c'est traverse alors. Traverse qui a peur. Là, le pasteur, ah, là, c'est bien la peur, là, c'est le peur des fidèles. Donc, continue ça à la maison. D'accord. Il y a un peu ici, là. Tu avais dit que tu t'appelles comment déjà? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles Josué ou tu t'appelles pas Josué? On va rester là pour voir les gens qui t'appellent, c'est pas la route. Dans quoi? Yes, it is.